Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts Outsider. Aujourd'hui, c'est un podcast game design en jeu de rôle, avec un sujet encore une fois bien charnu comme on les aime, puisque aujourd'hui, on va parler des bacs à sable. Voilà, donc les bacs à sable, est-ce qu'il y a des. Comment ça se passe pour écrire des scénarios bac à sable, des univers bac à sable, des jeux de rôle bac à sable entiers, quoi. Donc, on va jouer dans le sable avec des invités tout à fait compétents dans le domaine. Tout d'abord, il y a Bastien qui est carrément né dans un bac à sable, hein, il me semble, hein. Bastien, si tu veux bien te présenter. Bastien Botto, alias Sacritarche, j'ai déjà participé à un podcast avec Thomas sur Outsider. Et tu ne crois pas si bien dire Thomas, parce qu'en effet, quand j'étais petit chez moi, j'avais un bac à sable à l'extérieur de la maison et il était assez grand. Et c'est vrai que déjà à l'époque, j'aimais bien faire de beaux châteaux de mon bac à sable pour envoyer mes dragons les détruire. Voilà, ça vient pas de nulle part, quoi. Pas loin d'ici, on a Philippe aussi. Bonjour, donc Philippe Sylden Fine sur le net. Je joue en bac à sable depuis très longtemps parce que tout simplement c'est une des manières de jouer qui me plaît le mieux. Donc je suis un fidèle adepte. Bien, bah ça m'intéresse parce que moi, vous verrez que j'ai peut-être un profil un peu plus mitigé, hein, c'est-à-dire que j'ai encore pas trouvé ma voie entre bac à sable et scénario linéaire, donc je serai un petit peu la voie médiane dans cette histoire, quoi. Et donc, avant de commencer par la partie que tout le monde préfère, c'est-à-dire la partie par des jeux de rôle utilisant les bacs à sable, ou éventuellement d'expérience personnelle dans le cadre de Philippe, hein, qui présentera pas un jeu en particulier, mais plutôt sa pratique. Eh bien, je vais commencer par une petite définition du bac à sable que j'ai trouvé sur un excellent site. Je vous mettrai le lien avec le podcast. Définition que je trouve assez bonne, mais après qu'on n'hésitera pas à battre en brèche tout au long de ce podcast, hein, à en dévier et à la contredire sans vergogne. Donc la définition du bac à sable qui est donnée sur le site donc Loukoum Online. D'abord et avant tout, définissons ce qu'on entend par bac à sable, ou on appellera aussi sandbox. Ce que j'entends ici par bac à sable est un cadre de jeu plutôt bien défini dans lequel le MJ laisse déambuler les PJ au libre choix des joueurs, sans leur imposer de direction particulière. Entre parenthèses, sans qu'ils aient un scénario prévu à l'avance à suivre. Deuxième parenthèse, au moins en apparence. Ah, vous voyez déjà, rien que ça va être très polémique. Les joueurs décident des directions suivies par leurs personnages, de leurs intentions, objectifs, et le MJ improvise en réaction. Entre parenthèses, au contraire d'un scénario normal, dans lequel ce sont les joueurs qui réagissent au déroulement décrit par le MJ. Alors, vous voyez, il a mis un scénario normal, entre guillemets, parce qu'on pourra limite se poser la question si est-ce qu'un bac à sable est un scénario, ou est-ce que c'est justement l'inverse d'un scénario? Et pour finir, donc il dit, dans un bac à sable, ce sont les actions des PJ qui construisent le scénario. Ce qui fait que s'ils restent passifs, ou si les joueurs ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, on atteint assez vite les limites du bac à sable. Voilà, comme ça, dans cette phrase, il veut dire que grosso modo, le bac à sable, c'est pour faire ce qu'on appelle, en termes techniques, du jeu de basse. C'est-à-dire un mode de jeu où effectivement ce sont les personnes qui vont vraiment driver l'action. Alors, je vous propose pas de réagir forcément tout de suite à cette définition, hein, mais effectivement, si vous avez un moment, un élément ou un autre à contredire ou à étayer, eh ben, si ça rentre avec ce que vous avez prévu de parler, n'hésitez pas. Donc, Ok. voilà, c'était cette magnifique définition. Et donc ensuite, on va passer tout de suite dans le gras. Avec la section des jeux. Et donc, Bastien, tu avais prévu de nous parler de ton univers sandbox, hein, dont on adore parler. On a déjà un petit peu discuté sur le blog Outsider, aussi sur un autre podcast. Mais là, on va parler plus du côté bac à sable. Donc, il s'agit des terres barbares. Oui, je ne vais pas refaire l'historique des terres barbares, puisque ça a déjà été fait. Il suffira de retourner dans l'autre podcast pour en savoir plus. La terre barbare, c'est un bac à sable dans le sens que c'est vraiment un peu dans la définition de ce que j'ai donné tantôt. C'est un carré dans lequel j'ai mis des choses dedans. Et ben, on va mettre les joueurs tels des petits dragons au début, mais qui vont vite devenir grands, et on va les laisser jouer avec tout ça. Alors, ben, à eux de construire leur chemin dans ce bac à sable, et puis à éviter aussi de se faire ensevelir en allant déterrer ou casser les fondations d'une tour un peu trop grande. Alors justement, peut-être avant d'aller plus loin, il faudrait peut-être que tu nous quand même considères que les gens qui écoutent le podcast n'ont pas forcément écouté les autres. Redonne-nous au moins le contexte. Hein. Est-ce que c'est fantasy? Donc oui. Grosso modo, c'est quoi les terres barbares, quoi? Donc les terres barbares, c'est donc un bac à sable d'heroic fantasy. C'est clairement gritty, donc les personnages arrivent là et au départ ils doivent vraiment patauger dans la boue avant de commencer à s'en sortir. Et en fait, plus ils vont connaître le monde du bac à sable, plus ils vont évidemment pouvoir interagir avec eux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette montée en puissance va les aider dans leurs interactions. Ça se centre autour d'une, allez, on va dire un lambeau de civilisation, mais qui est plutôt une civilisation naissante qu'une civilisation rémanente, comme on va trouver dans beaucoup d'autres bacs à sable, comme par exemple Oltre ou Points of Light. Donc ici, c'est une civilisation naissante, c'est quelque chose, un endroit à aller coloniser, qui est la plaine de la Sinuante. Et puis alors, autour de ça, il y a toute une région très très sauvage et qui a une historique riche, parce que, ça je vais en parler un peu plus loin, mais je pense que une histoire intéressante, un fond historique intéressant, est nécessaire à un bon bac à sable. Donc, dans un bac à sable, ce qui est intéressant avec les relations, c'est que plus on va avoir de relations entre les choses, entre les différents items d'un bac à sable, qui sont principalement des lieux, des personnages, des événements ou des éléments, je vais dire, de décor, autre que des lieux et des personnages. Donc plus on va avoir des relations entre tout ça, plus le bac à sable va être vivant, plus le bac à sable va impliquer que les personnages vont réagir par rapport à ce qui se passe autour d'eux, plus ce qui se passe autour d'eux va réagir par rapport à leurs actions, et donc plus le bac à sable va être dynamique. C'est un petit peu comme si chacune des relations du bac à sable était un engrenage, et que tous ces engrenages mis ensemble formaient un moteur. Et bien, plus on a des engrenages qui vont évidemment dans un sens commun, et bien plus le moteur tournera mieux et sera puissant. Alors, et si tu permets, Bastien, je t'interromps un instant. Je t'en prie. Parce qu'en fait là je crois que t'es déjà en train de passer à la partie concept, hein, parce que t'as justement en concept, t'avais prévu de nous parler des relations mm-hmm. entre les différents oui, éléments d'un bac à sable. Donc la question c'est, est-ce que t'as peut-être d'autres choses à dire concernant la Terre barbare, histoire qu'on bascule pas tout de suite dans leur sujet, mais dans le sujet prochain, quoi. Ou peut-être juste pour clôturer cette histoire de relation avant de l'aborder plus en détail plus tard, est-ce que tu peux nous donner peut-être un ou deux exemples justement de comment qu'est-ce qu'il y a comme relation forte entre les différents éléments de ton sandbox dans les terres barbares? Alors, il y a deux, à mon avis, deux relations très fortes dans les terres barbares qui sont à la base des terres barbares. La première, c'est une relation historique qui est que tout cet endroit où les terres barbares a été anciennement le lieu d'un empire où a vécu un empire très puissant qui est l'empire Centauride. Et le deuxième lien les plus forts, c'est l'inimitié qui oppose Fortezo, la baronnie de Fortezo et la seigneurie d'Estande, qui au départ était la même entité, qui était qui avait été créée par Hubert de Guifort, le colonisateur des terres barbares, et que se sont disputés ses héritiers. Et donc cette inimitié entre Estande et Fortezo est un des deuxièmes chaînons, un des deuxièmes moteurs principaux des terres barbares. Donc un bac à sable, c'est quelque part c'est une sorte de scénario, même pas en 3 dimensions, en X dimensions, quoi. Donc là, par exemple, ce que je vois dans les terres barbares, c'est que t'as une dimension géographique avec cet affrontement entre deux territoires. Et puis t'as aussi une dimension historique avec l'empire Centauride qui se revoit encore dans des ruines, ou peut-être qui est je suppose, encore persistant à certains endroits. Alors, oui et non. Donc, oui, par rapport à l'aspect historique, par rapport à l'aspect géographique. Je pense que l'aspect géographique, il vient de la carte. Un bon sandbox rural, parce qu'il faut aussi, on peut différencier avec les sandbox urbains qui se passent en ville. Un bon sandbox rural, il est basé autour d'une carte. Une carte qui doit être inspirante, qui doit donner envie aux joueurs d'aller voir ce qu'il y a ailleurs. Et par rapport à cette inimitié entre Fortezon et Estante, c'est plutôt quelque chose qui va être politique, à mon avis. C'est plutôt quelque chose qui va être relationnel. Parce c'est-à-dire que qu'en tant que personnage, tu vas choisir ta bannière, enfin, soit tu soit t'es sous l'une des deux bannières, ou alors tu es un indépendant. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux décider de dire non, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai pas envie d'y jouer. Ils se disputent, tant mieux, tant pis. On verra ce que ça donne. On peut en effet choisir une bannière ou l'autre. On peut aussi très bien décider de jouer l'un contre l'autre pour gagner son propre pouvoir. C'est ça l'intérêt dans un bac à sable. Par rapport à la définition que tu disais tantôt et que tu proposais de critiquer, quand elle dit que ce sont les joueurs, les actions des joueurs qui font le scénario, je pense que c'est tout aussi vrai dans un scénario de type railroad, donc de type chemin de fer, donc un scénario bien téléguidé où on sait, on part d'un point A, on va vers un point B, et peu importe les embranchements qu'on prend, l'important c'est d'arriver au fameux climax qu'a prévu le scénariste, le maître de jeu au départ. Dans un bac à sable, c'est en fait, je n'aime pas dire que ce sont les actions des personnages qui font le scénario, parce qu'en fait, la réponse de l'univers aux actions des personnages est tout aussi importante, et même peut-être plus importante pour faire le scénario. Et puis, c'est un peu difficile à expliquer. Si je peux. Je pense. Oui, vas-y, je t'en prie. Si je peux, parce que je pense qu'on a un peu la même approche, même si on ne se connaît pas. Dire qu'un bac à sable, c'est un scénario réparti de manière géographique, un peu comme analogie avec les jeux vidéo où on attend d'être à un endroit pour qu'un événement censé impliquer le joueur se produise. Ça, pour moi, c'est un scénario, c'est pas du bac à sable. Le bac à sable, oui, il y a des choses qui se produisent dans l'univers, et les joueurs en font ce qu'ils veulent, ils choisissent de s'en mêler ou pas. S'ils s'en mêlent, il y aurait une réaction, s'ils ne s'en mêlent pas, il y aurait une autre réaction, et ça dépend de ce qu'ils font. Mais il n'y a pas un but prévu, les joueurs doivent aller, doivent subir telle chose, doivent assister à cela. Les choses peuvent se passer, s'ils sont là, s'ils ne sont pas là, c'est un peu une recherche d'une simulation d'un monde quelque part, même si c'est pas vraiment ça, c'est une manière d'expliquer qui peut donner une idée. Il n'y a pas pour moi d'histoire prévue qui est censée provoquer une réaction chez les joueurs. Les joueurs vont choisir leur propre histoire un peu comme dans la vraie vie, quoi. Ouais. Il y a pas. Et alors on peut rythmer la partie pour qu'il y ait des climax, des moments de repos, etc. Mais c'est plutôt sur l'instant et en improvisant et en animant le groupe que en prévoyant des événements, des réactions, etc. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Bastien. Oui, et j'ajouterais, parce qu'en fait ce que tu viens de dire m'a permis de préciser ma pensée. Dans un bac à sable, qu'il soit d'ailleurs rural ou urbain, ce n'est pas les choix des personnages qui vont créer le scénario, ce sont les responsabilités qu'ils vont décider de prendre. Chaque moment dans le bac à sable, le maître de jeu présente des éléments. Et comme le disait si bien Philippe, ce sont ceux qu'ils vont choisir de prendre en main qui vont déterminer le scénario. Les autres ne feront que réagir de manière passive. Mais alors, par rapport au scénario qu'ils prennent en main, c'est ça qui va décider le scénario. Et je vais prendre un exemple. Quand on a commencé dans les Terres Barbares, il y a maintenant presque un an et demi, lors de la toute première partie, en tant que maître de jeu, ils arrivent dans un endroit qui est prévu, qui est un peu le village d'entrée des Terres Barbares, celui où on va avoir contact avec les différentes premières choses qu'il y a dans les Terres Barbares. Et là, les personnages sont mis en contact avec trois choses. Ils sont mis en contact avec un artefact magique, qui est une marionnette, une espèce de petit oiseau qui va leur réclamer une taxe. La deuxième chose avec laquelle ils sont mis en contact, c'est un être humain de chair et de sang, qui est le responsable de cette petite marionnette et qui est en même temps le milicien et qui leur explique que, un peu au nord, ils vont rencontrer des taurins sauvages qu'il vaut mieux éviter. Et la troisième chose qu'ils apprennent... Les taurins, c'est des hommes taureaux, quoi. C'est, oui, c'est ça, c'est des minotaures, c'est des hommes taureaux. Et la troisième chose qu'ils apprennent, c'est que ils doivent se méfier parce qu'il y a à l'heure actuelle une maladie qui est en train de se répandre dans la région et qui est la fièvre verte, et que donc ils doivent vérifier que si un des colons, parce qu'ils amenaient des colons à aller s'installer ailleurs, un des membres du convoi qu'ils guident tombe malade, ils doivent l'isoler. Voilà. Donc c'est voilà trois éléments. Alors j'ai oublié de dire pour la marionnette qu'il rencontre, il se rend compte qu'elle est en assez piteux état. Et donc voilà trois éléments sur lesquels ils peuvent commencer à jouer. C'est vrai que là j'arrive, je suis joueur, j'ai déjà plein d'idées. Enfin, j'ai déjà envie de faire plein de choses, quoi. Voilà. Surtout en plus si je te dis que un des joueurs du groupe est un mage et est une marionnette lui-même. Et qu'en plus de ça, je lui fais faire un jet de dés pour voir si je chope la maladie qui a atteint la marionnette. Qu'en plus de ça, la personne qu'il rencontre, qui est une personne influente du village, donc va être importante pour eux pour déterminer comment ils vont continuer leur voyage avec le colon. Est-ce qu'ils vont faire du travail sur place? Est-ce qu'ils vont prendre des vivres? Est-ce qu'ils vont demander un garde supplémentaire? Puisque un des leurs est mort en passant un guet juste avant, en tout début de la partie. La première scène de la partie était une scène in medias res où ils devaient franchir un guet en crue. Et puis alors, y a cette histoire de maladie. Et donc, les voilà déjà confrontés à plein de choix, à plein d'opportunités. Et c'est l'opportunité que les joueurs ont saisie qui a déterminé, je vais dire, 90% de ce qui s'est passé par la suite jusqu'ici. Alors, si tu permets, Bastien, du coup, j'avais une conclusion, enfin une réaction par rapport à ce que vous avez dit, et qui est assez corroborée parce que tu viens de dire. Philippe a expliqué qu'un bac à sable, c'était pas un scénario géographique, quoi. C'est suffit pas de remplacer une chronologie par des checkpoints géographiques pour faire un bac à sable, parce qu'en fait, si tu prépares un scénario où les gars ils peuvent commencer par point A, point B, point C dans l'ordre qu'ils veulent, mais que ce qui est important c'est qu'ils fassent tous les points et que au final c'est juste une façon de les ramener au point D qui est le climax. En fait, on n'est pas dans un bac à sable. Concrètement, on est dans une maîtrise avec un esprit pionnier, qui est de dire, de prévenir les joueurs que, ok, j'ai prévu un scénario, mais par contre, vous pouvez le faire un peu dans le désordre, vous voyez, il y a différents checkpoints, vous les faites un peu dans l'ordre que vous voulez. Donc clairement, quand on est sur du vrai bac à sable, un petit peu comme le disions, on est sur du jeu de base. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait vrai de dire que tout repose sur les joueurs, il faut que le MJ prépare des éléments qui donne envie aux joueurs de réagir, et après effectivement c'est sur les réactions des joueurs qu'on va broder. C'est-à-dire le MJ c'est un bassiste, il va donner un premier rythme, et après c'est les joueurs qui vont choisir la mélodie, quoi, pour faire simple. Tout à fait. Je me dis qu'il faut peut-être donner la référence sur l'esprit pionnier, jeu de basse, tout ça. C'est quelque chose qu'on peut trouver sur le site Place to Go, People to Be, ou le contraire, je ne sais jamais. En français, c'est Théorie 101, deuxième partie, Le truc impossible avant le petit-déj, de Marc J. Jung, traduit par Pierre Carmody. Voilà. Voilà. Je compte en parler, c'est pour ça que j'ai la référence sous les yeux. Parce que c'est vieux, mais ça a un peu pris une ride, cette petite, cette petite théorie. Ouais. Et alors, si je l'explique un peu les différentes maîtrises, on part de l'illusionnisme où on a le meneur de jeu qui a préparé son scénario qui est assez linéaire et en fait les joueurs peuvent danser sur leur tête à moins qu'ils ne foutent la partie en l'air, on va suivre les rails. Et l'idée, c'est, on appelle ça illusionnisme parce qu'on a l'idée de donner l'impression aux joueurs qu'ils ont une certaine liberté, mais ils n'en ont pas. Personnellement, je ne crois pas que ça existe très longtemps, ce genre de pratique. La deuxième qu'il explique, c'est le participationnisme, où on sait qu'il y a un scénario, les joueurs, c'est un peu le contrat social du groupe, ils vont suivre le scénario parce que c'est ça qui a été préparé et qu'on sait qu'on s'amusera bien si on suit le scénario, on est là pour ça, et on a un peu de liberté dans les détails, l'ordre dans lequel on fait les scènes, les attitudes du personnage, etc. Non, l'ordre dans lequel on fait les scènes, je crois même pas que c'est du participationnisme. Grosso modo, le participationnisme, t'as le droit de choisir la couleur des vêtements, c'est plutôt ça en fait. Oui, t'as, mais t'as En différents fait, degrés. t'as toute liberté sur les détails qui n'ont pas Ils d'importance. n'ont pas d'importance, tout à fait. Et il y a des scénarios dans lesquels l'ordre dans lequel on fait les scènes n'a pas d'importance. Et l'esprit pionnier, moi, comment je le comprends, j'aime bien le terme anglais de trailblazing, c'est-à-dire du balisage. Le meneur de jeu a prévu un scénario et il met des indices pour dire des petites flèches qui disent attention, le scénario c'est par ici. Et l'idée c'est que les joueurs essayent de suivre le scénario, mais bon, s'ils n'ont pas envie, c'est pas grave, on essayera d'improviser quelque chose. C'est comme ça que je le comprends. Et alors le jeu de base qui effectivement est assez lié pour moi avec le bac à sable, c'est-à-dire qu'on le meneur de jeu va essayer de suivre et de mettre en valeur ce que les joueurs proposent en donnant Il souvent une prépare un impulsion au contexte, départ. quoi. Mais Et je crois. juste pour poursuivre là-dessus, je pense que les quatre styles de maîtrise qui sont donnés, ce sont des modèles, hein, c'est-à-dire que c'est les quatre exemples sont tout aussi caricaturaux, hein. Et je pense qu'en souvent dans la plupart des tables, en fait, on va osciller entre différents styles de maîtrise tout au long de la partie, quoi. Exact, oui. Tout à fait. On ne Parce saurait que pas je faire pense que autrement. même dans un sandbox, y a des moments où tu fais l'illusionniste. Parce que Est-ce que tu as un quand. exemple des terres barbares, par exemple? Est-ce que j'ai un exemple dans les terres barbares de moments où on fait l'illusionniste? Je vais réagir et je te laisse Ah. chercher pendant ce temps-là. Vas-y. Moi, c'est quelque chose que j'essaye d'éviter. Bien sûr, on peut le faire. Et ça peut marcher, on peut faire l'illusion. Si on est malin et qu'on ne le fait pas trop longtemps, on peut faire l'illusion. C'est quelque chose que j'essaye d'éviter. Mais c'est vrai que parfois, les joueurs attrapent l'hameçon et voilà, les wagonnets démarrent, le train avance et ils n'ont plus beaucoup le choix. En général, chez moi, quand ça se passe, c'est parce qu'il y a des contraintes internes à la fiction qui font que les personnages n'ont pas le choix. Ils sont malades, ils doivent se soigner, ou ils vont crever, quelque chose comme ça, ou il faut sauver le monde et ce sont les seuls à pouvoir le faire. Mais sinon, c'est quelque chose que j'essaie d'éviter, mais c'est clair qu'on peut tout à fait prévoir des parties scriptées dans un bac à sable, même si ça s'éloigne un peu de l'esprit originel du Tu truc. peux avoir par exemple des scénarios qui sont encapsulés dans des zones, genre je dis n'importe quoi. Si les mecs ils rentrent dans la tour du Nécromant, bah en fait la tour du Nécromant c'est un scénario, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ou pas. Voilà, exactement. Donc là, on peut en effet. Alors, deux exemples, à mon avis, dans les terres barbares. Premier exemple, qui me semble être comment dire, l'exemple type où, pendant une demi-heure, peut-être une heure de jeu maximum, je fais l'illusionniste, c'est quand les personnages arrivent dans un nouveau lieu et que, pour relancer certaines intrigues pour lesquelles ils ont montré de l'intérêt, dans lesquelles ils se sont impliqués, j'ai besoin de leur faire rencontrer quelqu'un. Et dans ce cas-là, donc ils arrivent forcément dans le village, dans le lieu ou quoi que ce soit, hein, il y a une description, je leur demande ce qu'ils veulent faire. Dans toutes les descriptions pour les lieux des terres barbares, il y a toujours, si on les écoute bien et si je les mets bien en place, il y a toujours deux ou trois hameçons qui sont lancés. Et donc, bah, les personnages vont aller vers un hameçon, vers l'autre. Et là, c'est une illusion parce qu'en fait, je veux les amener vers un personnage. Et je vais utiliser cet hameçon-là pour les amener vers le personnage. Et c'est là que je vais rebondir par rapport aux relations. C'est que parfois, en faisant cela m'oblige à créer une relation entre l'hameçon que les personnages gobent et le personnage que j'ai envie de leur faire rencontrer. Et ça, c'est intéressant parce que si c'est une relation que je n'avais pas prévue, c'est une relation qui va avoir un impact sur la manière dont les personnages vont appréhender le monde et qui va avoir un impact sur d'autres relations qui existent. Et donc l'illusionnisme est un truc de MJ pour qu'ils aient rencontré quelqu'un qui est potentiellement très intéressant pour eux et qui va les amener à prendre de nouvelles responsabilités, faire de nouveaux choix. Des choix souvent difficiles, mais cette illusion est à la limite par rebond plus contraignante encore pour moi en tant que MJ par rapport à ce qu'elle va impliquer par rapport au bac à sable, ce qui est d'autant plus vrai du fait que les terres barbares est un bac à sable qui est très large, qui est très complexe, qui est un moteur qui est extrêmement bien huilé et rodé avec des relations dans tous les sens. Le deuxième cas dans lequel cela peut arriver, c'est quand j'ai envie de terminer un arc narratif. ou quand je me dis, bon, ben là, on arrive au bout de ce que les personnages peuvent apporter par rapport à tel ou tel tel arc narratif, à telle chose à laquelle ils se sont intéressés, telle responsabilité qu'ils ont prise, surtout que généralement, entre-temps, ils en ont pris d'autres et que celle-là devient un peu secondaire. Ça a été typiquement le cas par rapport à cette fameuse maladie dont je parlais tantôt, la fièvre verte. Donc quand ils sont arrivés dans ce premier village des terres barbares, ils ont très rapidement suivi cet hameçon de la fièvre verte et ils ont décidé de libérer les terres barbares de la fièvre verte. Et donc, à un moment donné, cette intrigue de la fièvre verte les avait amenés à découvrir tellement d'autres choses dans les terres barbares qu'elle devenait pour eux une intrigue qui était plus un poids qu'autre chose. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas envie de la laisser tomber, parce qu'ils s'étaient impliqués quand même depuis longtemps dedans, ils avaient envie de la terminer, mais d'autres choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus prégnantes, prioritaire pour leur personnage et parfois même plus urgente était en cours et donc moi je sentais en tant que maître de jeu que mes joueurs avaient besoin de se libérer du poids de cette responsabilité de la fièvre verte qu'ils avaient prise et donc pendant une demi-heure, une heure on a, j'ai un peu fait l'illusionniste de manière à les amener à un point où ils pouvaient décider c'est fini et où en fin de partie, en un jet de dés, on avait résolu l'intrigue et ils pouvaient se consacrer à des choses qui les intéressaient plus fondamentalement. Voilà. Deux exemples où je fais l'illusionniste. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur les terres barbares ? Oui, je suis intéressable, mais je pense qu'il est plus intéressant qu'on passe à la suite, ouais. Parler justement des relations, comment on les construit, quel est leur intérêt par rapport à Bakassam, etc. Et comment justement elles permettent d'ailleurs de, je ne vais pas dire de gommer, mais de répondre à un des problèmes du Bakassam qui est, il faut que mes joueurs s'impliquent dans le Bakassam, sinon ça ne tourne à rien. Tout à fait, ouais, l'implication des joueurs, ouais. Voilà. Alors donc on va faire la suite donc la suite du premier tour, après on fera un petit name dropping et puis on passera justement au concept avec justement les relations entre les éléments de ton bac à sable. Donc ensuite Philippe, tu avais prévu de nous parler de ta pratique du jeu de rôle en bac à sable, donc c'est moins un jeu en particulier que ta pratique à toi. Voilà. Et que tu qualifierais de freeform. Voilà, tout à fait. Donc, comme souvent en jeu de rôle, on n'a pas de définition très stable et le même mot peut dire des choses différentes pour des personnes différentes. Ce que j'appelle freeform, et tu fais bien d'attirer notre attention sur le fait que c'est une pratique et pas un jeu freeform, parce que ça, c'est autre chose et je pense que tu as prévu d'en parler après. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, une pratique freeform, c'est, j'ai envie de dire, une pratique sans règles, sauf que techniquement, c'est pas exact. Des règles, il y a, mais elles sont relativement informelles et fluctuantes. Et de la même manière qu'on établit ce qui se passe dans le monde imaginaire, dans la fiction, par une négociation en cours de jeu qui ne ressemble pas souvent à une négociation. Souvent, on propose quelque chose, mon guerrier escalade l'escalier jusqu'en haut, et tout de suite, le maître de jeu enchaîne, oui, la porte en haut est fermée, mais voilà, là, il y a une négociation, le joueur du guerrier a proposé de monter en haut, le meneur de jeu a dit, ok, il n'y a pas de problème, il ne l'a pas dit, il l'a dit implicitement, il y a une négociation sur ce qui se passe. De la même manière qu'en jeu de rôle, la plupart du temps, on négocie sur ce qui se passe dans la fiction, ben, on peut négocier sur les règles, et quand je dis de la même manière, c'est de la même manière informelle. Et donc, moi, depuis je ne saurais pas dire, au moins 15 ans, je joue très souvent des bacs à sable en freeform parce que c'est un peu libérateur, on n'a pas de système qui nous pousse dans une direction ou une autre, on peut vraiment faire de très longues campagnes dont on ne se lasse pas vite. Mais est-ce que tu utilises des jeux du commerce du coup ? Alors oui, j'utilise des jeux du commerce pour deux choses. Tout d'abord, je joue parfois en respectant les règles du jeu, et ça m'arrive assez souvent, en les respectant scrupuleusement, Apocalypse World par exemple, ou ici on est en train de faire une campagne Z-Corps avec quelques amis, on suit les règles du jeu parce que ça nous convient pour faire ce jeu-là. Par contre, on a quelques campagnes contemporaines ou médiévales fantastiques où on a envie d'explorer énormément de choses, toujours autour du même monde et souvent à partir des mêmes personnages, mais pas nécessairement. C'est un peu comme si on prenait une histoire et on a le livre, et on a le film, et on a et on a la série télé, et on a la BD, et chacun a une approche différente, et on va suivre plutôt tel personnage ou plutôt tel personnage, et on a toute une série de visions différentes sur le monde. Un peu comme toi tu fais avec Milvaux, tu as Inflorenza, tu as Milvaux Sombre et bientôt Arbre. Mais nous, plutôt que d'avoir des systèmes différents clairement identifiés, on fait muter le système au fur et à mesure, mais c'est toujours un système extrêmement léger et où la partie technique ne sert que de référence. C'est une manière de noter les choses. Je veux dire, quand... Tu pars d'un système du commerce ou tu inventes ton propre Les système? deux, on a fait les deux, on a joué. Bon, je vais prendre la plus longue campagne, le jeu auquel j'ai le plus joué, c'est un ami meneur qui a inventé son univers de jeu. On joue dedans depuis certainement 20 ans. Je maîtrise également dans cet univers-là. Bien, là, on a joué dans ce jeu-là avec des règles du Basic System, avec des règles de donjon, avec des systèmes maison inspirés d'Hero Wars. Ça nous est arrivé d'avoir à la table en même temps un personnage plus ancien qui avait été créé avec un système AD&D 2, un créé avec Donjons et Dragons 3.5 et un créé avec le système maison. Et oui, les systèmes sont totalement incompatibles, mais en fait, Je à la fin. t'interromps juste un instant, Philippe, pour informer les auditeurs qu'on a un quatrième participant qui vient de se connecter. Il s'agit de Laurie. Laurie, hein, bienvenue parmi nous. Là, Philippe est en train de présenter son jeu. Je présenterai le mien après. Et puis, Laurie, tu feras en quatrième, quoi. À partir de maintenant, sens-toi libre d'intervenir si tu as des questions à poser à Philippe. En tout cas, tu pourras participer à la première partie, mais en dernier, quoi, pour des raisons de cohérence, parce que ce que je vais avoir à dire, ce sera assez lié à ce que Philippe nous explique. Excuse-moi, Philippe, on est en train de dire que tu pouvais Donc on jouer utilise en des même temps systèmes de avec des fiches de commerce. perso de systèmes différents. Oui, parce que ça nous sert en fait, c'est une manière de noter les choses. Noter qu'un personnage C'est l'inventaire que à représente force la fiche 18 ou qu'il est d'inventaire. très musclé et très fort, ça fait pas de grosse différence en fait, si on est d'accord sur le fait qu'il est très fort. Et au niveau d'un système de résolution, ben on est assez vite arrivé à ce qu'on a appelé un peu par dérision le système jette un dé. Peu importe quel dé, on sait autour de la table, ben voilà, le personnage, il a tels avantages, tels inconvénients, il est dans telle situation, la situation est celle-là, il essaye de faire ceci. À vue de nez, il a peu ou beaucoup de chances de réussite, peu importe qu'on jette un D8 ou un D100, on va voir si le résultat est faible, moyen, élevé, et ça va nous donner une orientation pour dire ce qui se passe. Et on n'a pas non plus de règles qui nous disent quand il faut jeter le dé, on le jette quand on a envie, quand le meneur de jeu ou le joueur estime que c'est risqué, ou qu'un échec serait amusant, ou que le joueur veut montrer que c'est quelque chose qui est important pour lui, ben il va jeter le dé, histoire de renforcer un peu ce qu'il décrit de son action, il attire l'attention dessus. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. C'est un peu la règle zéro permanente, en fait. Pardon? Je dis, c'est un peu la règle zéro permanente. C'est un peu la règle zéro permanente, tout à fait. Mais il y a des moments où on va Ouais. avoir des On va règles. peut-être expliquer c'est quoi la règle zéro, le système zéro, puisque c'est un concept de Jérôme de Brande, hein, Jérôme Larré, qu'on salue au passage. Est-ce que tu te sens d'expliquer c'est quoi le système zéro, Philippe? Bah, le système zéro, c'est ce qu'on fait naturellement quand on essaye de faire du jeu de rôle à partir des connaissances qu'on a du jeu de rôle, pour moi. Sans essayer de se rattacher à un système particulier, c'est à peu près ça. Ça veut Hein, dire que chaque table va avoir un système zéro différent, en fait. tout à C'est pas un fait. truc universel. Et c'est là que les jeux du commerce, ou pas du commerce d'ailleurs, hein, les jeux autres que ce que tu inventes chez toi, sont intéressants parce qu'ils peuvent t'apprendre des choses. Ils peuvent t'apprendre des manières de jouer, des techniques de jeu, des enjeux qui sont intéressants d'explorer, une manière de faire. Et ça, chaque fois que tu vas essayer un jeu, bah, y a une bonne chance que tu ramènes quelque chose à la maison, pour, comme quand tu vas au resto, hein, tu... Wow, c'est bon ce plat, tu réfléchis, ça a été fait comment, les ingrédients, ok. Ça va alimenter ton... En fait, ça fait grossir ton système zéro, quoi. Ça fait grossir, ça enrichit ton système zéro, tout à fait. Ou ça te fait parfois rendre compte que, ben oui, ben je fais ça, et en fond, c'est pas une bonne pratique, c'est quelque chose qui au final ne nous amuse pas beaucoup, on va peut-être élaguer ça. Alors, les avantages de jouer comme ça, ben, c'est que c'est très facile de se lancer, vu qu'on raconte juste des histoires et qu'il y a un peu de technique, mais qu'elle n'est finalement pas si importante que ça, et que si elle est importante, bon, on peut toujours la négocier, l'expliquer, etc. Qu'on fait d'abord passer l'histoire qu'on raconte, et pour moi, c'est ça ce qui est important dans le JDR, donc ça, c'est vraiment bien pour moi, et que tu n'as pas un système qui va te pousser dans une direction ou une autre. On ne va pas t'obliger à explorer quelque chose. Et ça, c'est vraiment cohérent avec le bac à sable, et c'est pour ça que c'est particulièrement adéquat, tu vas dans la direction où les joueurs le veulent. Les joueurs, meneurs de jeu y compris, mais c'est un peu un consensus de la table qui va déterminer, tant au niveau de ce que tu racontes comme histoire, que des règles que tu utilises ou pas. Les inconvénients, parce qu'il y en a forcément, ben, il faut se mettre d'accord. Or, souvent, ben, en tant que rôliste, on n'a pas tellement envie de parler autour du jeu, on a plutôt envie de jouer. Je connais beaucoup d'amis rôlistes, ça les embête si on essaye de faire un peu de théorie, etc. Ils trouvent que ça n'apporte rien. Un peu comme beaucoup de gens, quand ils sont dans une relation, n'ont pas envie de parler de leur relation, ils ont envie que ça fonctionne tout seul, et parfois c'est pas le cas. Ça nécessite de la confiance, parce que quand tu as face de toi un meneur de jeu, tu te dis, bah ouais, mon personnage, il n'a pas de problème dans cette situation-là, et puis pourquoi toi tu me fous dans la merde? Non, non, fais-moi confiance, il y a des raisons, mais que toi tu ne connais pas, bah, il faut pouvoir faire confiance, il n'y a pas un scénario publié où on peut te montrer la page, tiens regarde, non, il faut vraiment faire confiance. C'est pas adapté du tout à certaines démarches de jeu, les démarches où les joueurs sont plus en compétition, ça passe pas très bien, vu qu'il n'y a pas une base stable sur laquelle s'appuyer. Les gens qui aiment bien étudier et maîtriser les règles, forcément ça peut ne pas leur plaire. Et puis, je disais tout à l'heure un avantage, mais c'est aussi un inconvénient, c'est un système qui ne pousse pas. Donc si t'as pas envie d'aller quelque part, si t'as pas d'idées, si t'as pas d'énergie, ou si les gens sont pas d'accord entre eux, bah tu vas faire du surplace et là ça peut devenir un peu embêtant. Philippe, je me permets une petite intervention. Donc, par rapport au freeform, est-ce que tu as des moyens de gérer l'attrition ou pas? Parce que donc dans les tous les premiers sandbox qui étaient soit des donjons, soit le fameux Keep on the Borderland, l'attrition est un dénominateur puissant. D'ailleurs, même dans les bacs à sable, genre Terre Barbare. Est-ce que tu gères ça d'une manière ou d'une autre en freeform? Oui, des fois non. Ça dépend de ce qui se passe dans l'histoire et de ce qui nous intéresse. Mais effectivement, si on fait une partie un peu plus de dungeon crawling, par exemple, hein, vu que tu cites cet exemple-là, oui, on va compter des points de vie ou des désavantages, et on va utiliser quelque chose qui va être la même chose pour tous les personnages qui sont à table cette fois-là. Mais c'est pas quelque chose de fixe. De la même manière, les points d'expérience, on n'utilise pas beaucoup. On a tendance à améliorer ou modifier les personnages en fonction de ce qui se passe dans la fiction et pas du tout en fonction d'un système d'expérience qui se veut faire play ou mécanique. Si je permets, en fait, tu as quand même recours, du coup, de temps en temps, à ce que j'appelle des procédures de simulation, c'est-à-dire des mécaniques chiffrées qui permettent de simuler telle ou telle chose, soit effectivement l'attrition, mais après, bon, quand on parle de mécanique de simulation, grosso modo, c'est ce que j'appelle une mécanique de simulation, c'est de dire que telle épée fait tant de dommages, tout à fait, tel tout monstre à fait. Est plus fort que tel monstre, Ça dépend vraiment de ce qu'on est en train de faire et ce dont on a envie. Mais de la même manière, quelqu'un a un jeu de rôle que tu suivrais, tu peux à un moment donné décider de laisser tomber une certaine règle parce qu'à ce moment-là elle te gêne, et ça je pense il y a énormément de rôlistes qui font, parfois même sans s'en rendre compte, ça fait 6 mois, 1 an qu'ils jouent, ils ont oublié qu'une règle existait parce qu'elle ne leur plaît pas. Ouais, ou alors tu dis tu tues machin plutôt que de jouer un combat qui aurait duré 15 rounds quoi. Voilà, mais on fait les deux en fait, selon l'humeur du moment, selon ce dont on a envie. On va fonctionner une fois en résolution de tâches, en faisant des jets de compétences presque, et puis une autre fois on va résoudre le combat par une résolution de conflit, vraiment selon l'envie du moment, selon le rythme qu'on veut donner à la partie, selon ce sur quoi on veut porter l'accent. Alors vite fait, hein, résolution de tâches, en fait c'est quand on découpe l'action en tâches. Bon, concrètement c'est ce qu'on rencontre dans les jeux à compétences, et puis aussi on va dire dans les jeux où les combats sont découpés en rounds. Et tandis que la résolution de conflits, c'est déjà quelque chose de plus global. On définit des enjeux au conflit, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer si le conflit est remporté. Ça permet de gérer souvent, déjà le conflit c'est déjà plus freeform dans la base, hein, parce que on peut souvent gérer tout un tas de trucs différents par la même une seule mécanique de conflit unifiée, quoi. Tout Et à ça fait fait. moins appel aux compétences. Ça peut faire par contre appel à des caractéristiques ou des traits, Tout à fait. ou du matériel des personnages, quoi. Et si tu regardes Apocalypse World, tu as une résolution de conflit qui n'est pas freeform. C'est très intéressant aussi. Oui, parce que effectivement, Les enjeux sont fixés ouais, puis il y a d'avance. différents types de conflits, effectivement, ouais. Il y a toute une liste à faire. Tandis que dans Inflorenza, par exemple, le conflit est complètement freeform. Tu peux définir absolument n'importe quel objectif, de séduire quelqu'un avec un poème jusqu'à tuer une population entière par le feu. Enfin, c'est très très vaste. Voilà. Alors, le freeform en bac à sable, ben je dis on adapte les règles en fonction de ce qu'on veut faire, mais qu'est-ce qu'on veut faire? Alors pour moi, il faut savoir sur quoi on veut mettre le point focal à un moment donné. Pour moi, il y a un grand triptyque qui est l'environnement, donc ça c'est le décor, c'est statique. Il y a les situations, donc les événements qui se passent, et puis il y a les personnages en eux-mêmes. Et on peut Dans les jeux du commerce, souvent, l'accent va être mis plutôt sur l'un ou plutôt sur l'autre, ou parfois sur deux, mais rarement sur les trois. Mais on peut vraiment se balader de l'un à l'autre en freeform. Donc l'environnement, c'est assez statique. On peut faire du tourisme, ça va bien quand les joueurs sont d'humeur un peu contemplative, ou justement quand ils sont très actifs ou proactifs, et qu'on n'a pas besoin de leur donner à manger, ils vont, oui, non, j'ai envie de monter ma boîte et de devenir le plus riche de la ville. Ok, ben, il n'y a pas besoin de donner la moindre amorce, le moindre événement, le joueur va tout faire lui-même. Ça va bien avec des jeux qui ont des grands décors très établis, style RuneQuest, Shadowrun, Hawkmoon, pour citer des plus vieux. Et on va plutôt s'occuper de choses qui sont plutôt dans le statu quo. Alors les situations, c'est plus dynamique. Hein, ça peut être du spectacle. Les joueurs assistent à quelque chose, donc là on a à nouveau des joueurs un peu passifs. Ou alors ce sont des événements qui doivent les faire réagir. Il y a le mendiant qui s'effondre devant eux en les appelant à l'aide. Il crache son sang. Il perd une bourse remplie de pièces d'or qu'il ne devrait pas posséder. Ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà les gardes qui arrivent en courant. Vous là, qu'est-ce que vous faites? Bon, ben là c'est une situation. Ça peut être un bac à sable si on n'a pas prévu la suite. Si on va juste voir ce que les joueurs font et qu'on a prévu quels sont les PNJ qui tournent autour de ça et quels sont un peu leurs intérêts et qu'on va improviser leurs réactions. Apocalypse World fonctionne pas mal comme ça, jusqu'à ce que les joueurs prennent l'initiative. Et alors là, on arrive sur le troisième possibilité de point focal. Hein, et comme tout à l'heure, ce sont un peu des caricatures, on navigue entre ces points-là. Ce sont les personnages joueurs. On peut concentrer le bac à sable sur les personnages. Je trouve qu'Influenza fait un peu ça. On suit presque exclusivement les personnages. Et quand on suit les personnages, on peut avoir, pour moi, encore deux orientations dans ce sein-là. C'est est-ce qu'on regarde le groupe? Et alors là, on a quelque chose de plutôt centripète, où on va s'adresser au groupe comme un ensemble. Les Bah, par exemple, il y a Warsaw avec la mécanique avec les factions. Je ne connais pas malheureusement. Warsaw, c'est un jeu de Julien Elbruck qui est génial. Enfin, j'adore ce jeu. Achetez-en 10 douzaines, c'est génial. Qui se joue en fait dans une espèce de première guerre mondiale qui se serait jamais arrêtée, qui aurait duré pendant 50 ans. Et donc on joue dans une Varsovie, bah, qui est le théâtre d'affrontement de tout un tas de factions. En fait, l'idée c'est que quand on commence à jouer, les joueurs créent une faction justement, soit pro-russe, soit pro-allemande, soit pro-polonaise ou pro n'importe quoi. Et puis on va un petit peu suivre les aventures de cette faction qui comprend les PJ certes, mais aussi des ressources, des PNJ. Oui, ça a l'air d'être tout à fait ça. Donc, si on va considérer que le groupe est un élément monolithique par rapport auquel le monde va réagir, par exemple, tout le groupe va être déclaré hors la loi ou tout le groupe, ça va être les héros, ben là, c'est cette orientation-là. Et alors, on peut considérer les personnages individuellement. Ah, ben, le personnage A, c'est un héros et le B, il va voler en prison parce qu'il a fait une connerie. Je le déteste, lui, et j'aime celui-là. Et là, on va jouer sur les tensions qu'il y a entre les personnages, et on va avoir un jeu très centré sur les personnages. Et de nouveau, en freeform, on peut facilement passer de l'un à l'autre avec quelques adaptations, donner un peu de temps pour que la fiction suive. Moi, j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que tu dis, Philippe. Oui? Et ce qui m'étonne, c'est que jusqu'ici, tout ce que tu racontes, nous le faisons dans les Terres Barbares avec mes joueurs. Et je ne vois pas l'intérêt, enfin, je ne vois pas en quoi le freeform est plus adapté que le système que j'utilise à l'heure actuelle avec eux. Qui est tranchant et tracon, et qui pourtant, on pourrait en discuter, mais peut-être pas nécessairement le plus adapté pour faire du bac à sable. Donc, si tu veux, ma question c'est en quoi est-ce que le freeform facilite véritablement le jeu de type bac à sable? Je ne sais pas s'il le facilite. Je peux dire que moi j'aime bien la versatilité du truc et le fait de ne pas être tenu par quelque chose. Le fait qu'entre joueurs, on sait tous qu'on n'est pas tenu à un système, que on ne va pas pouvoir se faire affronter à un niveau 12 et un niveau 2, par exemple, en donjon. En freeform, ben, la question ne se pose pas vraiment. Peut-être qu'un jour, un grouillot et un super chef vont pouvoir s'affronter, et que ce sera le grouillot qui gagne. Et peut-être qu'un autre jour, on sera Ouais, plus tandis que proche c'est d'un vrai que point. dans ton jeu à dragon, c'est censé être impossible. Enfin, tu peux le faire, mais déjà tu trahis l'esprit de Donjons et Dragons, parce que normalement, Donjons et Dragons, enfin, peut-être pas toutes les. Au moins la 3.5, tu as les notions de facteur de puissance qui fait que tu es obligé de calibrer tes rencontres par rapport au PJ. Ouais. Tout à fait. Maintenant. Mais là, on pourrait en discuter aussi, mais moi, je reste persuadé que le calibrage de rencontres est contraire à l'esprit du véritable bac à sable. Dans Ouais, un tout à fait. véritable bac à sable, tes personnages, tes joueurs ont la liberté d'aller se casser les dents sur un mur plus gros qu'eux, plus Tout à dur fait. qu'eux. Tout à fait. Là, je suis à Si tu n'as 100%. pas. Si, Ouais, ou voilà. alors ils Si, peuvent être peinards à gratter du pec en tuant des gobelins sans aucun challenge, s'ils bien veulent, quoi, sûr, aussi. si c'est ce qu'ils ont envie de faire, s'ils ont envie d'être plutôt pantouflards, ils ont le droit d'être plutôt pantouflards. Tant qu'ils nourrissent l'histoire et ils nourrissent et qu'ils vont chercher des hameçons et qu'ils nourrissent les histoires qui sont derrière ces hameçons. Donc, leurs personnages ont le droit d'être pantouflards, d'être prudents ou de prendre leur temps, etc. Mais l'histoire elle-même doit rester intéressante pour tout le monde, pour les joueurs, pour le maître de jeu, et j'ai envie de dire pour les personnages et pour l'univers dans lequel ils jouent. Mais ça, c'est peut-être là aussi de nouveau, c'est quelque chose sur lequel on peut discuter pendant des heures. Voilà, tout à fait. Je crois que tu mets le doigt sur quelque chose de très important, et surtout en freeform, on n'a pas un système qui pousse. Il faut que les joueurs prennent la responsabilité de leur amusement. S'ils ne font rien, ben, il ne se passera rien. Et s'ils font une connerie, bah, ils vont se la manger ou pas selon l'humeur des gens à la table ce jour-là. Mais s'ils ne sortent pas de chez eux, bah, ils resteront à l'intérieur. Alors moi, j'ai des excellents souvenirs de parties où on a fait une bataille d'oreiller ou une bataille de boules de neige ou simplement faire du shopping au personnage. Mais c'est clair que ça ne plaît pas à tout le monde et ça ne plaît pas tout le temps non plus. Mais si on ne fait rien, si on ne réagit pas aux amorces qui pourraient se présenter, il va rien se passer. Ça, c'est un peu l'inconvénient et du bac à sable et du freeform. Alors, est-ce que je peux réagir? Ah oui, Laurie, vas-y, je t'en prie, puis après j'aurai une réaction assez ample, donc vas-y, Laurie. Je vais répondre à Bastien, mais Philippe était un peu d'accord aussi. Donc, par rapport à cet équilibrage ou ce nivelage de difficulté où tu dis, Bastien, que ça peut être contraire à du bac à sable, pour moi, pas forcément, parce que effectivement, tu peux mettre un dragon qui a 10 niveaux de plus que les PJ, s'ils ont envie d'aller se casser les dents dessus, je vois pas où est le problème. Si en bac à sable, tu l'autorises. Je vois pas pourquoi sur un système comme DD, tu peux pas mettre un dragon et s'ils ont Bah, envie. c'est pas. En fait, si vraiment tu joues à Donjon Dragon à la lettre, tu peux pas le faire, non? Alors, je suis d'accord. Maintenant, j'ai une deuxième réponse par rapport à ça. T'as un hobbit de niveau 1, tu vas aller taper un dragon rouge dans une montagne, pas de souci. Il a 30 niveaux de plus que toi, bah il y aura 30 niveaux à gagner sur le chemin. Alors oui et non. Pour moi, c'est juste une quête qui est super balèze, et si vous avez envie d'aller là-bas, vous allez aller là-bas, mais vous allez traverser une montagne, vous allez être attaqué par des gobelins. Ils vont vous poursuivre avec des loups, et puis vous allez rencontrer des elfes, et puis vous allez faire une poursuite de cascade à tonneaux, et puis vous allez rencontrer une ville, et puis vous allez y arriver à votre dragon, mais pas Oui, tout de mais suite, en quoi. fait, justement, je pense que le fait que dans un bac à sable, l'histoire est amenée par les choix, et surtout par les responsabilités que prennent les joueurs, ils doivent pouvoir faire de mauvais choix, prendre de mauvaises responsabilités, prendre la mauvaise route, et donc faire demi-tour. Être confronté à des ennemis qui sont tellement puissants qu'eux qu'ils vont se dire, ah bon ben maintenant comment est-ce que nous on fait pour être aussi balèze que le fameux dragon rouge qu'on a rencontré qui nous a brûlé le cul. D'ailleurs, je reste avec une brûlure au troisième degré sur l'arrière-train, et chaque fois que je me demande, putain, il rigole de moi. Voilà, ça c'est un Ah, t'es motivateur con, puissant. Bastien. Ok, je comprends. Et donc, si tu nivelles tes rencontres et que donc quand il est niveau 1, ton hobbit n'a aucune chance de rencontrer ce dragon rouge. Il en entendra peut-être parler. On lui dira à quel point il est terrifiant, etc. Mais s'il ne le rencontre pas, s'il ne se brûle pas les fesses près du dragon rouge, jamais les putes pourront se foutre de sa gueule, jamais il aura envie d'aller buter le dragon rouge. Il en entendra parler, ça restera quelque part dans son esprit, mais entre-temps, il fera d'autres choses. Et le dragon rouge, de toute manière, j'ai pas le niveau, le maître de jeu va pas me le mettre en face. L'intérêt du bac à sable, c'est que si le personnage choisit d'aller titiller le dragon rouge dans son repaire, parce qu'il doit lui voler une fameuse gemme qui est grosse comme son poing, qui est un diamant pur, dont il a besoin pour un rituel, pour machin chose, et dont il a absolument besoin dans sa quête, alors ça devient intéressant parce que ça veut dire qu'il ne peut pas affronter le dragon rouge. Je veux dire par la force brute, il va être obligé de trouver un autre moyen d'aller subtiliser le fameux diamant parce qu'il en a tellement besoin qu'il est obligé d'aller dans l'antre du dragon rouge. Et chaque seconde qu'il va passer dans l'antre du dragon rouge, s'il y a une pièce d'or qui dégringole, il fait dans son froc. Et ça, c'est intéressant parce que ça crée des histoires géniales. Et donc, si on nivelle les rencontres, eh bien, on perd cet intérêt-là. On perd ce qui, à mon sens, est quelque chose qui est très puissant dans le bac à sable. C'est qu'à certains moments, les PJ peuvent être confrontés à des choses qui les surpassent tellement qu'ils font dans leur froc. Sinon, ouais, bah, on prend nos petites responsabilités et on vit notre petite vie pépère. Et après, où est l'intérêt du jeu? Où est le challenge? Alors là, on peut rentrer dans les histoires de contrat social. Hein. Si c'est pas ce que veut la table, c'est pas ce que veut la table et c'est très bien. Mais voilà. Moi, dans ma conception du bac à sable, il faut qu'on puisse à un moment donné être confronté à ce genre de situation. D'ailleurs, quand on a joué dans les terres barbares et que les joueurs, les personnages sont tombés sur deux démons dans un endroit, je ne vais pas le citer parce que sinon ça peut tuer une partie du plaisir de ceux qui voudraient aller dans les terres barbares. Et donc les endroits tombent sur deux démons qui sont en train de faire leurs affaires et de se monter une véritable petite communauté à leurs bottes. Les joueurs, à la fin de la partie, ils m'ont dit « Mais attends, comment est-ce qu'on va faire pour les dégommer ?» Et ils m'ont dit « Mais attends, là tu nous mets quelque chose en face qui est beaucoup trop dur pour nous. » Je leur dis « Mais attendez les gars, un, vous avez de la ressource. » Deux, vous êtes tout seul ou quoi? Il n'y a que vous dans le monde? Ah ben non, tiens, donc, ah ben oui, on pourrait faire, et voilà. Et quand on a recommencé à jouer la fois d'après, est-ce qu'ils en avaient discuté entre eux, est-ce que ça avait maturé, etc. Mais la solution, elle est venue naturellement, c'est les deux démons, ils sont seulement implantés, ils ont quelques fidèles, mais il y a tous les autres, eh ben, il faut s'arranger pour que tous les autres nous aident à faire diversion pendant qu'on latte les démons, et surtout qu'on sépare les démons. Et puis alors, en plus de ça, ben, il y avait un des personnages qui avait le don extraordinaire, tranchose de raconte, qui s'appelle Zizani, et qui, pour être sûr que les démons ne les lattent pas, a utilisé son don de manière à ce que les deux démons se lattent entre eux, s'affaiblissent, et de manière à ce qu'il n'ait plus qu'à terminer le dernier. Et ben voilà, là on est arrivé sur une situation de jeu qui était extrêmement intéressante. Et les joueurs ont fait dans leur froc, et les aventuriers. Oui, certains ont été à deux doigts de clamser, mais ils en sont sortis, c'était des héros, des vrais héros qui avaient pris des responsabilités qui les dépassaient, qui ont sauvé une communauté d'un mal qui les dépassait. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait preuve de ressources, parce qu'ils ont pris leurs responsabilités, parce que, eh ben, ils y sont allés. Et jusqu'au bout, ils y ont cru et ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Ouais, si tu permets, Bastien, j'essaie d'opérer une transition. C'est vrai que des moments comme ça, je pense que c'est vraiment ce qui met en valeur le rôle. C'est-à-dire que il y a une prise d'initiative par les joueurs qui est nettement plus puissante que dans un scénario linéaire. On va leur demander à réagir à des choses très ciblées. Tandis que là, effectivement, on voit qu'il y a vraiment une largeur d'initiative des joueurs qui est colossale, quoi. Donc c'est vraiment l'intérêt des bacs à sable, je pense. Et donc sinon je voulais enchaîner donc sur ce que nous avait raconté Philippe, hein, sur sa pratique de jeu freeform, parce que je voulais vous parler des jeux qui permettent cette pratique. Enfin, il n'apparaît pas tout à fait, mais on va voir que c'est quand même un peu différent. Je parle des jeux en structure de freeform. Alors, j'oppose ça à l'American Freeform dans le podcast sur la simplicité. Là, il y a Mange Lune, à un moment, il parle des jeux en freeform. Il cite notamment The Climb de Jason Morningstar, qui sont en fait, l'American Freeform, c'est des jeux, grosso modo, en semi-GN, avec pas beaucoup de règles de simulation et en semi-GN. Alors, on verra que ça fait partie du mouvement structure de freeform, mais c'est juste une partie du mouvement. Donc, ce dont je veux parler, c'est le structure de freeform. C'est une notion qui a été définie par un certain Walton. Alors il y a un article sur internet, je mettrai ça sur les liens. Alors il va dire qu'il a inventé le terme, hein, il n'a pas forcément inventé le type de jeu, parce qu'on peut imaginer que des jeux comme Ambre étaient déjà du structure de freeform bien avant que le terme existe. Grosso modo, les jeux structure de freeform, ce sont des jeux qui s'adressent aux joueurs qui veulent se concentrer sur l'interprétation de leur rôle, qui veulent se concentrer sur l'exploration, éventuellement sur l'histoire aussi, et qui, pour tout ça, en fait, trouvent finalement que les mécaniques de simulation sont au mieux chronophages, au pire contre-productive, soit parce que quand il y a trop de mécaniques de simulation, en fait, On se retrouve à tout ce qui n'est pas géré par les mécaniques, c'est des zones non mappées du jeu, quoi. C'est-à-dire que si tu veux, je prends un exemple bête. Ah bah tiens, mon personnage veut une arbalète. Ah oui, mais le problème, c'est que l'arbalète n'est pas techniquée dans le livre de jeu. Il y a X mille, tu peux t'accès que à ce type d'arme. Ou je veux développer telle compétence, ah bah non, ça n'existe pas dans le jeu, quoi. Donc en fait, le problème des mécaniques de simulation, c'est que plus on veut être précis dans la simulation, plus on doit complexifier les règles de simulation, et on voit en général qu'en plus de ça, on arrive toujours à avoir des zones de vide juridique, entre guillemets, quoi. Et donc c'est quelque chose que n'aime pas on va dire l'école Freeform. L'école Freeform estime qu'il faut enlever les mécaniques de simulation, ou alors les réduire vraiment à leur plus simple expression. Alors, ce que j'appelle la plus simple expression, en fait, c'est éventuellement une jauge d'attrition, par exemple une jauge de points de vie, une jauge d'esprit, ou alors une mécanique, une mécanique de dés. Par exemple, Inforenza, qui est en fait un jeu structure de freeform, il y a des dés, mais ils servent juste à dire, dans Inforenza, ta feuille de personnage, c'est une série de traits les traits sont freeform dans le sens où ils n'ont pas de valeur chiffrée. Par exemple, je suis un super guerrier, je suis amoureux de Dame Clarabelle, tout ce que tu veux, quoi, j'ai une grosse armure. Et en fait, chaque trait que tu as et qui est adapté à la situation du conflit, va te donner un dé. Bon, bah ça, c'est une mécanique de simulation qui est freeform, qui est acceptable dans le cadre d'un freeform. Mais il y a pas mal de jeux freeform qui font carrément l'économie de ce genre de mécanique. Je prends l'exemple de. Il y a un mini-jeu qui s'appelle Qu'est-ce que le jeu de rôle? C'est un jeu d'Epidia Ravachol où on joue des astronautes qui commettent un braquage avant de partir sur la Lune. Et y a pas du tout de mécanique de simulation. En fait, il n'y a que des règles de conversation. Par exemple, si un personnage s'apprête à faire du mal à un autre personnage ou à un PNJ, un autre joueur peut en faire la remarque et désigner un troisième joueur qui va dire comment ça se finit. Le troisième joueur va dire bah ok, effectivement ce flic là, t'arrives à le buter, mais tu vides ton chargeur, une sirène retentit, enfin ce qu'on veut, quoi. Alors les jeux en structure freeform, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de règles, mais en fait les règles vont se concentrer sur comment ça va être des règles de conversation, bah, comme là ce que je vous ai expliqué dans le jeu d'Epidia Ravachol, c'est en fait ce que je vous ai, ce sont des règles de conversation qui permettent de dire qui dit quoi, qui a raison. Des règles de conversation de base, ça peut être par exemple le MJ a toujours raison, ou alors l'expert a toujours raison. Par exemple, on fait un scénar où il y a de la plongée sous-marine, et ben c'est le joueur de la table qui s'y connaît le mieux en plongée sous-marine qui va arbitrer ce qui se passe. Éventuellement, dans les jeux aussi en structure freeform, il y a des règles que j'appellerais des règles dramaturgiques. Par exemple, de dire, je sais pas, tous les personnages sont des sales gosses, des personnages badass, ou alors ça finit toujours mal. Enfin, après, il y a tout un tas de trucs. Et puis, finir, il y a des règles de couleurs. Enfin, clairement, c'est ce qu'on va appeler l'univers, quoi. Et donc, en fait, il y a toute une gamme d'auteurs qui écrivent comme ça des jeux adaptés à ce public, à cette école freeform. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que ce que Philippe nous a décrit, parce que Philippe, on voit que des fois, il utilise des mécaniques de simulation, puis en plus de ça, en fait, il change tout le temps de système, quoi, une espèce de système zéro évolutif. Quand on joue à un jeu structure freeform, si on y joue à la lettre, c'est toujours les mêmes règles, en fait, du début à la fin de la partie. Je vais citer quelques jeux structure freeform. Par exemple, il y a Sphinx de Fabien Ilvine, hein, qui à mon avis rentre très bien là-dedans. Puisqu'en fait la feuille de personnage, c'est juste quelques infos sur les personnages. Et puis, si les personnages font certaines choses, si les joueurs font certaines choses, le MJ les récompense par des jetons qu'ils peuvent ensuite dépenser pour, dans Sphinx, on joue des explorateurs qui explorent des ruines, ils peuvent dépenser leurs jetons pour accéder au mystère des ruines. Bon, voilà, ça c'est un jeu complètement structuré de Freeform. Sombre Zéro de Johann Scipion, qui est une variante hein, de Sombre, pour moi, est aussi un jeu structuré de Freeform. On a juste une jauge, hein, grosso modo on a 3 points de vie, et puis une règle, en fait, grosso modo, sera gérée par les mécaniques uniquement les combats, qui se réduisent à dire, bon bah lance un D6 pour voir si tu fais 1, 2, 3 ou 0 dommage, quoi. Donc c'est un petit peu un cas limite parce qu'il y a un petit peu de règles de simulation, mais bon, on voit quand même qu'elles sont vraiment réduites à leur plus simple expression. Est-ce que vous avez des questions hein, sur le structure de Freeform? Moi j'ai pas de questions sur les structures de Freeform, mais il y a deux jeux Freeform que j'ai absolument besoin de citer qui sont Microscope et Kingdom de Ben Robbins. Alors Ben Robbins, en plus, c'est un type qui est extrêmement intéressant parce qu'il a fait une gigantesque campagne sandbox qui s'appelle les West Marches, qui était une expérience de jeu de rôle tout à fait extraordinaire, et je vous invite à aller lire ça sur son blog qui s'appelle Ars Ludi. Et alors donc Microscope, c'est quoi? C'est un jeu de rôle freeform, puisqu'il n'y a pas de... Le seul système de règles qui existe est là pour déterminer comment on structure une scène. Et en fait... Donc c'est un jeu qui permet d'investiguer, on va reprendre les éléments un peu qu'avait défini tantôt Philippe, investiguer un décor, investiguer des événements ou investiguer des personnes. En ce sens qu'on fixe un point de départ, on fixe un point d'arrivée dans un canevas général, et tout le reste, ça va être des close-up sur certains éléments qui sont passés. Alors en fait, plus on va définir des éléments, plus on va pouvoir aller profondément dans certains des éléments qu'on a définis. Et on détermine qu'on s'arrête après 2 ou 3 heures de jeu. C'est un jeu Microscope qui est génial. Si un jour vous avez envie avant de lancer une campagne, de dire, bon ben, on joue dans quel univers? Par exemple, on doit dire, vous voulez jouer à des jeux de... propulsé par l'apocalypse, hein? Apocalypse World, Dungeon World, Monster Heart, Monster of the Week, etc. Enfin, mais vous ne savez pas exactement, on voudrait bien déterminer un peu c'est quoi l'univers dans lequel on va aller avant de créer nos personnages. Eh bien, faites une partie de Microscope. C'est génial pour ce genre de truc, c'est vraiment taillé tip-top pour le faire. J'ai envie de dire, on aurait pu créer les terres barbares en jouant au Microscope. Parce qu'il y a vraiment comme ça des endroits dans les terres barbares où on a l'impression qu'on a pris son microscope et qu'on a regardé vraiment jusqu'au détail, alors qu'il y a d'autres où c'est juste un petit peu tracé, et puis il y a des autres où c'est vraiment le grand flou artistique. Le deuxième jeu en freeform, qui est Kingdom, lui est un jeu qui permet de gérer donc un royaume, mais en sachant qu'un royaume, ça peut être une équipe de rugby, un vaisseau à la dérive dans l'espace, un sous-marin qui part investiguer les profondeurs de l'océan, tout comme ça peut être un fief médiéval fantastique. Ce qui est intéressant dans Kingdom, c'est que les joueurs se répartissent 3 rôles. Le rôle de pouvoir, le rôle d'oracle et le rôle de peuple. Le rôle de pouvoir, c'est lui qui va tout le temps prendre les décisions. Et donc dans la conversation, c'est lui qui toujours au final décidera, on fait ça. Il se passe ça. Le rôle d'oracle, c'est celui qui va dire les conséquences. Et donc, il va dire, ah ben, si on fait ça, alors il va se passer ça. Donc, si on tue le roi, alors la reine va monter sur le trône avec son amant. Et il dit, et si on ne tue pas le roi, alors c'est le baron de machin chose qui va dévoiler le complot de la reine et l'amant va passer sur le bûcher. Et donc, le roi doit choisir. Ah, est-ce que je sauve la reine et son amant va sur le bûcher ou est-ce que je sauve le roi? Et le peuple, lui, dit comment le contexte réagit par rapport à ça. Et donc, par exemple, le peuple va dire, ah ben, si le roi est assassiné, eh bien, il va y avoir une grande crise et les paysans vont pleurer pendant des semaines, il va y avoir des suicides collectifs et la région va dépérir. Et le peuple va dire, et si c'est le... si le, comment dire, le duc est tué, bah, il va, le peuple va réagir comme ça et va accepter la situation comme ça. Et donc, ce qui est très très intéressant, c'est que ça structure véritablement la conversation et que ça permet de faire vraiment évoluer le jeu. Et pour ça, Kingdom, c'est un jeu qui est vraiment très très intéressant quand on a envie de voir un peu les tenants et les aboutissants du jeu de pouvoir au sein d'une structure qu'on détermine ensemble avant de jouer. Et donc ici, de nouveau, il n'y a pas de système de jeu de résolution, d'action de compétence ou quoi que ce soit. Ces règles, ces rôles ne font que gérer la conversation dans le pur style du freeform. Alors justement, pour expliquer l'intérêt, on le voit bien dans Kingdom et Microscope là, que tu cites, pour expliquer l'intérêt des jeux en freeform pour faire du bac à sable, c'est qu'en fait, dedans, il n'y a pas de règles qui rendent difficile la simulation, parce qu'en fait, on a vu que les mécaniques de simulation pouvaient finalement rendre la simulation difficile. Ou en tout cas, soit ça marche, mais c'est pas fluide. Exemple, Rollmaster, Shadowrun, quoi. C'est-à-dire que quasiment tout ce qui devrait être géré dans le jeu est prévu par des règles, mais du coup, c'est vraiment pas fluide. Ou alors, moi, du moins, pas assez, selon les tenants de l'école Freeform, on va dire. Je fais pas un procès, entre guillemets, au jeu avec des mécaniques de simulation. Mais on va dire que ceux qui s'intéressent au Freeform, c'est clairement quelque chose qui les freine. Et par contre, il y a des... Donc, En faisant l'économie des mécaniques de simulation, en fait, ça nous permet d'improviser. Par exemple, je veux improviser tel PNJ, et ben j'ai pas besoin de m'arrêter une demi-heure pour créer sa feuille de personnage, quoi. Voilà, j'improvise, voilà, il existe. Je veux tout de suite dire s'il est grand, fort, costaud. Ça me prend le temps de juste le temps d'y penser, quoi. Par contre, et les seules règles qu'il y a dans les jeux freeform sont plutôt des règles qui aident à l'improvisation. On l'a vu par exemple en Microscope et Kingdom, des règles pour cadrer des scènes, quoi. Et donc je voulais enchaîner pour présenter un peu en détail justement un jeu bac à sable freeform que j'ai conçu, qui s'appelle Arbre. À moins que vous ayez encore des questions sur le freeform. Non, c'est bon. Non. Oui. Alors. Donc Arbre, c'est un jeu que je suis en train de développer pour jouer dans Millevaux, hein, qui est mon univers post-apocalyptique forestier. Dans Arbre, on joue des clochards magnifiques dans les forêts hantées de Millevaux. Et je le précise parce que c'est important, c'est fait pour jouer en campagne. J'avais déjà un jeu pour jouer dans Millevaux plutôt en one-shot, hein, il s'agit de Sombre, qui est du one-shot horrifique. Bon, on peut faire des bacs à sable avec Sombre, mais je pense que c'est quand même le format roi de Sombre, c'est plutôt le scénario. Et puis j'avais un autre jeu dans l'univers de Millevaux, c'est Inflorenza, qui quelque part est du structure freeform, mais qui ne se concentre pas trop sur les bacs à sable. Il est plutôt, comme avait précisé Philippe, il se concentre plutôt sur les personnages des joueurs, quoi. Et pour c'est un jeu qui génère des intrigues à partir de l'historique des personnages des joueurs. Bon, pour finir avec Inflorenza, il y a une petite notion de bac à sable quand même, dans le sens où le MJ peut préparer ce qu'on appelle un théâtre, qui est, on va dire, une situation de départ, quoi. Mais c'est vraiment, c'est quand même très squelettique en général. En plus de ça, c'est vraiment conçu pour qu'il n'y en ait que 10% qui soient exploités sur les théâtres les plus complets. Donc le jeu vraiment prévu pour du bac à sable, c'est Arbre. Alors en quoi Arbre est un jeu freeform ? C'est un jeu freeform dans le sens où les fiches des personnages... Donc on joue des clochards en fait qui errent dans les forêts de Millevaux. La fiche de personnage, c'est différents compartiments. Il y a la viande, les viscères, le cœur, le crâne, la mémoire, le matériel et le microcosme. Ouais. Et en fait, dans ces compartiments, les joueurs vont stocker des post-it sur lequel ils notent diverses choses. Par exemple, dans viscère, tu peux noter une maladie que tu as, tu peux noter, tous les organes sont considérés comme des viscères dans Arbre, donc tu peux noter que tu as une super vue, Tu peux aussi noter que tu détestes le nom de quelqu'un parce que tu le détestes vraiment viscéralement, quoi. Donc, déjà, vous avez vu que c'était chaque compartiment est soumis quand même pas mal à interprétation. Et donc, c'est les joueurs qui décident de quel post-it ils écrivent. Il y a juste un nombre qui est défini au départ, mais ils écrivent leur post-it. Quand ils créent leur personnage, ils écrivent leur post-it sans faire part au MJ de ce qu'ils écrivent. Le MJ, au départ, du coup, ne sait pas un petit peu quel est le potentiel des personnages. Bon, on est invité, il y a un contrat social, grosso modo, pour dire, on se met d'accord. C'est quand même plutôt gritty, hein, arbre. Donc, vous créez pas des. Enfin, il n'y a pas un personnage avec une vision laser ou avec un lance-plasma, quoi. Ce serait pas du tout dans l'esprit du jeu, quoi. Donc, à partir du moment où on fait confiance aux joueurs, ils écrivent leurs post-it comme ils veulent. Et en fait, au départ, tous tes post-it sont cachés. Et dès que tu décris quelque chose qui rentre en scène, par exemple, j'écarte. Comment j'ouvre mon manteau et puis vous voyez que je planquais un flingue. Eh ben tu dévoiles le post-it flingue. Et en fait, grosso modo, ces post-it, ça sert juste à gérer l'inventaire des personnages et tout ce qui est procédure de simulation. Eh ben en fait, on va le gérer grâce au post-it. Par exemple, il y a tel personnage veut monter à un arbre. Le MJ va lui demander, bah, est-ce que tu as un post-it pour me prouver que tu en es capable? Donc, par exemple, il va montrer qu'il est agile, ou des choses comme ça, ou par exemple qu'il est très affamé et que ça justifie qu'il prenne le risque de monter dans l'arbre pour aller cueillir des fruits. Enfin, tout ce qu'on veut. C'est vraiment, du coup, ça se gère au bagou, quoi. Hein. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de caractéristiques chiffrées. Bon, des fois, on peut même gérer sans les post-it. Hein. Il y a des situations qui vont. S'il y a des situations qui sont en dehors des post-it, bah, on les gère en dehors, quoi. En ce qu'on a certains disent en full roleplay quoi. On joue ça en full roleplay. Et donc le MJ, lui aussi, il a une feuille de personnage. Mais en fait, les compartiments, c'est les éléments de son bac à sable. C'est-à-dire que comme compartiment, il a les hommes, il a les Orlas. Les Orlas, c'est les monstres dans Milvaux. Il a les bêtes, donc tout ce qui est animaux. Il a la nature. Donc ça, soit c'est des éléments naturels, par exemple une forêt, une colline, une rivière, ou ça peut être des catastrophes naturelles ou des phénomènes naturels, quoi. Par exemple un orage. Il a les outils, donc là c'est tout, bah, grosso modo c'est tout le loot qu'on peut trouver. Alors ça c'est du loot, enfin des choses intéressantes à récupérer comme un véhicule, des ressources, ou alors ce sont ce sont des choses qui sont néfastes. Par exemple un champ de mine antipersonnel, ça irait dans les outils, quoi. Et donc, pour finir, on a des choses un petit peu plus dans le bac à sable, on a des choses un petit peu plus évanescentes. C'est la corruption. La corruption, c'est un phénomène de contamination biologique qu'il y a dans Milvaux. On peut y associer aussi des choses comme par exemple un virus zombie, ça irait dans la corruption, quoi. Et pour finir, on a l'égrégore. Ça, c'est grosso modo le surnaturel dans Milvaux. Donc tout ce qui est vaguement surnaturel, je vais le fourrer là-dedans. Et c'est pareil, le MJ, il crée ses post-it dans son coin, il raconte pas aux joueurs ce qu'il y a dedans. Et il les dévoile au fur et à mesure que ça intervient dans la fiction, généralement un petit peu en fonction de son inspiration. C'est-à-dire que finalement, au départ, pour créer un bac à sable, il y en a 18 post-it à répartir. Grosso modo, on crée 18 éléments. Et puis on va les introduire au fur et à mesure dans la partie, un peu au gré de nos envies, quoi, au gré de, aussi de la. Des fois, on va juste effectivement. Par exemple, si je me contente d'évoquer un post-it, par exemple, j'ai dit l'orage. En fait, je commence à dire que l'orage commence à poindre, à gronder. Clac, je dévoile le post-it. Ou par exemple, je dis, vous savez, là-bas, il y a telle colline, il y aurait peut-être des minerais intéressants. Bon, je dévoile le post-it colline. Si les joueurs s'y intéressent pas, dans le plus pur esprit bac à sable, finalement le post-it il restera peut-être à prendre la poussière, quoi. Mais on va dire que les post-it vont servir de pense-bête pour le MJ, quoi. Et bien sûr, le MJ a tout à fait le droit, si à un moment, un événement, un élément imprévu prend de l'ampleur, à écrire de nouveaux post-it pour compléter son bac à sable, quoi. Est-ce que quand tu dévoiles un post-it aux joueurs, tu peux, par exemple, tu parlais justement donc accrocher les personnages avec le fait qu'il y a peut-être des minerais intéressants dans une colline, tu leur révèles un post-it colline, mais ouais. En fait, toi, dans ton, le post-it que tu avais écrit au départ, c'était du minerai de fer, par exemple. Oui. Est-ce que tu peux, puisque tu veux les accrocher avec du minerai de fer, mais que tu ne veux pas dévoiler que tu as un post-it minerai de fer, mais que tu veux les accrocher, est-ce que tu peux écrire un post-it colline et leur montrer le post-it? Oui, tout à fait. Hein. Sachant ouais. Que c'est, oui, tu peux, ça. En fait, il faut pas que la mécanique des post-it, elle te contraigne. C'est plutôt, faut vraiment le prendre comme un pense-bête, en fait. Donc du coup, si tu te sens d'inventer des nouveaux éléments, tu les rajoutes, quoi. C'est pas parce qu'ils sont, le post-it ne sert pas à techniquer les éléments, quoi. À donner, ça leur donne pas une importance mécanique, puisque c'est ça. finalement il n'y a pas de mécanique. Ça leur donne, c'est juste, ça permet d'en garder trace. Donc j'ai fait une campagne de arbre, et par exemple à la fin, si tu veux, je me rappelle le dernier scénar, j'ai utilisé 3 ou 4 post-it parce qu'en fait on était en climax et je me suis concentré que sur les trucs qui étaient vraiment crucifiés sur les persos. Mais c'est vrai aussi que la mécanique de dévoiler un post-it, c'est une façon de montrer ça, c'est important. Et donc ça, c'est aussi, ça donne envie aussi aux joueurs de gratter, ou ça introduit un coup de flip aussi. Je sais qu'en général, quand je dévoile un post-it, c'est qu'il y a une nouvelle menace qui commence à faire son apparition. Parce que bon, Arbre, c'est un jeu, non seulement c'est un jeu gritty, mais c'est aussi un jeu d'horreur, quoi. J'en ai fini sur Arbre, à moins qu'il y ait des questions. Mais en fait, quand tu dévoiles un post-it, moi, ça me fait un peu penser dans un jeu de rôle tout à fait traditionnel scénario, le joueur qui va vers un PNJ qui n'est pas prévu dans le scénario, le meneur de jeu va se retrouver un peu le bec dans l'eau, il s'appelle Raoul, il est de taille moyenne et il va un peu être incertain comme ça. Et quand il arrive sur un PNJ, il est très important, il a telle bague avec tel détail, il a telle chaussure lacée de telle manière. En fait, c'est un peu cet effet-là qui est ramassé, qui est concentré. En plus, tu peux jouer là-dessus, tu peux être retors, par exemple, créer des post-it, dévoiler des post-it de PNJ insignifiants. Et puis ton gros méchant, tu dévoiles pas le post-it, quoi. Pour noyer le poisson, oui. Voire même tu le fais intervenir, le gros méchant, mais quand il intervient, tu dévoiles pas le post-it. Bah, vous rencontrez un tel. Bon, voilà, c'est effectivement, tu peux noyer le poisson de cette. C'est un peu méta-jeu, mais effectivement, il y a un petit plaisir méta-jeu avec ça. Et puis ce qui est intéressant, finalement, c'est de. Dans Arbre, quelque part. Le MJ aussi se comporte comme un joueur dans un bac à sable, c'est-à-dire que lui, ce qu'il va avoir à découvrir, c'est ce que cachent les persos, puisqu'il ne sait pas. Oh là, il y a quelqu'un qui grogne. Moi, par exemple, en tant que MJ, du coup, dans Arbre, si je veux savoir ce qu'il y a dans la mémoire. Dans le compartiment mémoire de tel ou tel PJ, je vais faire intervenir des choses qui permettent de lire dans la mémoire, quoi, où je vais pousser les persos à faire des confidences pour en savoir plus, quoi. Donc, on est dans une situation là où, en plus, non seulement les PJ explorent l'univers, mais sans mauvais jeu de mots, le MJ explore les personnages des joueurs. Et l'univers aussi, il explore avec les joueurs. Il est plus en position de joueur que de meneur qui doit faire suivre un scénario. Ouais, c'est-à-dire qu'il va être surpris par ce qui va se passer. Et d'ailleurs, il y a un dernier truc qui drive énormément les scénarios, parce que j'ai fait jouer en one shot un même bac à sable. En fait, je vois que j'exploite jamais les mêmes post-it. Et surtout, au début, je demande aux joueurs de dire. Les joueurs doivent définir un compartiment qu'ils ont en commun. Par exemple, s'ils disent qu'ils ont le cœur en commun, c'est que c'est un groupe qui est lié par des liens affectifs, quoi. S'ils ont matériel en commun, c'est plutôt un groupe qui gère, par exemple, qui va gérer un véhicule ensemble, quoi. Alors ça n'a aucune incidence technique plus que ça, mais le fait déjà de donner une raison, en fait on donne un objectif, un lien de groupe dès le départ, ça drive vachement aussi la fiction, effectivement. Je crois que les post-it, ils sont pas techniqués, mais ils donnent, c'est comme ce que j'expliquais avec le GD tout à l'heure. Le fait de passer via quelque chose qui est matérialisé à la table, ça donne tout de suite une importance, une aura. C'est un coup de projecteur, ouais, tout à oui, fait, ouais. Ça souligne. Bah, surtout quelque chose qui est mis par un post-it a plus de chances de revenir aussi plusieurs fois sur le tapis, quoi. Oui, tout à fait, ouais. C'est, la technique du post-it est une des techniques de base qui est utilisée dans Microscope. Avec en plus des. Comment dire. Il y a deux ou trois règles pour expliquer comment on écrit les choses sur le post-it. Avec entre autres le fait de mettre sur le post-it un point blanc ou un point noir, donc un rond vide ou un rond rempli, pour déterminer si c'est un élément qui est plutôt positif ou plutôt négatif. Ah oui, on m'avait conseillé. Je sais qu'on j'ai failli appliquer ça pour arbre. Sauf que finalement, c'était un peu embêtant parce que souvent, il y avait des choses qui me paraissaient ambiguës, qui peuvent être à la fois positives ou négatives. Oui. Et ça, c'est aussi le propre des bacs à sable. Il y a rien, L'ambiguïté, ouais. Il y a pas d'antagonisme. Il n'y a que des protagonistes. Donc, même quand tu crées une faction qui est potentiellement dissidente ou en tout cas qui est dangereuse pour les personnages, fondamentalement, elle ne l'est pas. Tout dépend de comment les personnages vont jouer. En fait, la seule chose qui est antagoniste dans un bac à sable, ça va être une maladie ou Bah, même ça. Une tempête ou un truc comme ça. Attends, tu prends une maladie. Si les joueurs sont des médecins et qu'ils veulent s'enrichir en inventant un remède, la maladie, c'est finalement plutôt quelque chose de positif pour eux. Ou si c'est des chaotiques mauvais et qu'ils décident en fait qu'ils veulent répandre la maladie. C'est vrai. C'est aussi quelque chose de positif pour eux, quoi. C'est Ouais. vrai que du coup, en tant que MJ, tu sais jamais déjà sur quelle moralité vont se baser les joueurs, quoi. Tu peux être surpris parce que même si au départ ils définissent, bon, on va jouer comme je sais pas, on joue loyal bon. Tu sais qu'ils ils peuvent changer et tout, et tu peux toujours être surpris par les attitudes, les comportements des persos, quoi. Ça peut être défini par le type de jeu ou par le contrat social quand même. Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Comme je dis, dans un bac à sable, tous les joueurs doivent être loyaux à leur opportunisme. Excellent, ouais. Très bonne formule. Et pour répondre à Laurie par rapport aux éléments extérieurs, donc de type maladie, tempête ou autre, par exemple, dans les terres barbares, qu'on joue avec le groupe actuel, la première maladie qu'ils ont rencontrée, la fièvre verte, a fait d'eux des héros et leur a permis de s'enrichir. Donc, quelque chose qui au départ peut paraître être un antagonisme a été en fait une opportunité qu'ils ont réussi à saisir. Donc, vraiment, je pense qu'il n'y a pas d'antagonisme. Il n'y a pas d'antagoniste dans un bac à sable. Il n'y a que des opportunités. Et c'est vraiment pour ça que. Et pour moi, la formule est vraiment. Le scénario dans un bac à sable est créé par les responsabilités que prennent les joueurs. Il y a vraiment que ça qui va créer un scénario. Des joueurs peuvent faire des choix qui n'auront, mais ces choix n'auront pas d'impact s'il n'y a pas une responsabilité derrière. Donc, s'ils font le choix entre une tenue rouge ou une tenue bleue, à part s'ils prennent la responsabilité de dire je prends une tenue bleue parce que c'est la couleur de telle faction. Ben ça n'a aucun intérêt. Mais si par contre c'est la couleur de telle faction et qu'ils savent que ça va leur permettre de les approcher mais qu'ils vont se mettre une autre faction à deux, alors là ça devient une responsabilité et c'est un choix qui a un sens et qui crée de l'histoire, qui crée de l'intérêt dans le bac à sable. En fait, je pense que quand t'es MJ dans un jeu bac à sable, il faut être vigilant à justement à proposer comment à proposer tout le temps tout un tas de choix en fait. Il faut donner des choix aux joueurs, que ce soit des choix informés, c'est-à-dire les choix informés c'est quand on sait par avance quelles seront les conséquences des choix, ou des choix non informés, c'est-à-dire que là on verra bien une fois qu'on aura choisi. C'est vrai que c'est l'essence du bac à sable, quoi. Et je vois bien dans ma campagne d'arbre, à chaque fois En fait, par exemple, s'il faut s'approvisionner dans une ressource, il faut toujours proposer différentes façons d'y arriver, ou en tout cas permettre aux joueurs de s'y prendre de différentes manières, quoi. Oui, tout à fait. Je pense que dans un bac à sable, pour parler en termes de jeux propulsés par l'apocalypse, et parce que je trouve que la formule est vraiment très bonne, l'action que le maître de jeu doit normalement le plus réaliser est annoncer les prérequis et les conséquences. Chaque fois que les joueurs proposent que leur personnage fasse quelque chose, le maître de jeu doit leur dire « Ah oui, mais rendez-vous bien compte que, souvenez-vous que, et ça peut avoir telle ou telle ou telle ou telle conséquence. » C'est vraiment la chose la plus importante à faire dans un bac à sable. Parce que même les joueurs les plus proactifs, les plus impliqués, qui vont prendre un maximum de notes, n'auront jamais, un, la connaissance du bac à sable, sauf évidemment si c'est un... surtout si plus le bac à sable est construit, plus c'est vrai, évidemment, mais même, je pense, si le bac à sable n'est pas construit, c'est tout aussi vrai, parce qu'ils ne peuvent pas dire ah, le maître de jeu va anticiper, va créer ça de telle ou de telle manière. Et dans un bac à sable qui est déjà construit, ils ne peuvent pas dire comment le maître de jeu a créé un événement, un décor, un personnage de telle ou de telle manière. Et surtout, et pour retomber un petit peu sur ce qui, moi, me plaît dans le bac à sable, ils ne peuvent pas dire quelles sont les relations qui sont liées à cet événement. Et pour reprendre l'analogie tantôt du moteur bien huilé qui tourne avec tous ses engrenages, quand un joueur prend une responsabilité, il tourne un engrenage. Et donc, il ne sait jamais quels sont tous les autres engrenages qu'il fait tourner, et il ne sait surtout pas comment ça va revenir par la bande et comment ça va l'appliquer lui-même. Moi, je mettrais... Vas-y, Philippe. Le revers de la médaille, parce que c'est une question de maîtrise assez intéressante. Et qui est classique dans le jeu de rôle, c'est la différence entre ce que c'est le joueur et ce que c'est le personnage, et entre ce qui est vraisemblable et ce qui fait un jeu agréable. Et pour revenir avec l'idée, je liais ça avec l'idée du monstre invincible auquel les personnages vont choisir de se frotter ou pas, la question c'est est-ce qu'ils savent qu'ils ont en face d'eux un obstacle insurmontable ou très difficile à surmonter ou facile à surmonter. Parfois, il n'y a aucune raison que ni les personnages ni les joueurs ne soient au courant. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On laisse mourir les personnages et on recommence? Non. Ou on leur dit aux joueurs, on leur dit dans la fiction aux personnages, on va tordre un peu ce qu'on avait prévu pour leur donner un indice... Voilà, c'est une question assez intéressante. Non, je pense qu'on en revient à ce que j'ai dit tantôt, annoncer les prérequis et les conséquences. Quand les personnages approchent d'un monstre qui est hors de leur portée, prenons l'exemple de l'histoire de Jason et les Argonautes, et quand il arrive près de Méduse, il est d'abord confronté à des statues de pierre. Il se rend compte que toutes ces statues de pierre sont des statues de pierre qui sont en mouvement. Il se rend compte que toutes ces statues de pierre sont des statues qui ont été arrêtées dans leur action. Eh bien, il est clairement annoncé ce qu'il va lui arriver s'il essaye de l'affronter directement. Toutes les statues de pierre le disent. Tout à fait. Mais au moment... je vais illustrer vraiment ce que je veux dire et je vais prendre un cas concret qui s'est présenté dans le jeu. Un joueur décide, dans une campagne médiévale fantastique, de jouer un voleur. Et le joueur est assez proactif à ce moment-là et on lui sort la carte de la ville. On dit, ben voilà, là c'est tel quartier, c'est tel quartier. Ah, les quartiers où la maison riche, elles sont où? Et paf, sur la carte, il en choisit une. Et en tant que meneur de jeu, moi et mon commoneur, on sait qui vit dans cette maison-là. C'est un archimage qui essaye de passer le plus incognito possible, et il a les moyens d'un archimage pour passer totalement incognito. Donc là, le monde tel qu'il existe, et c'est pas un truc qu'on peut changer en cours de route facilement et faire un peu d'illusionnisme, parce que d'autres joueurs sont au courant, ont déjà été là, savent ce qu'il y a, et on se retrouve avec un joueur qui arrive à la table, qui est un excellent joueur, qui a de très bonnes idées, et par le hasard, il va se mettre dans une situation dont il ne peut pas se sortir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tord un peu la fiction? Est-ce qu'on prévient le joueur? Est-ce qu'on laisse mourir le personnage ou pas? Il y a des tas de bonnes solutions, hein, c'est pas un problème insoluble, mais c'est une question intéressante à se poser avant de s'y retrouver confronté. C'était ça que je voulais dire. Ouais, d'accord. Alors, si vous voulez bien, parce que je vois que le chrono tournait quand même, là on est déjà presque à 1h30 sur la première partie, je pense qu'il est largement temps de laisser la parole à Laurie, qui avait aussi un ou plusieurs jeux à présenter. Bon, je pense que sur la partie concept et la synthèse, on sera un peu plus rapide de toute façon. Quelque part, on l'a déjà sans doute en bonne partie défloré pendant cette discussion globale sur les jeux. Donc, sans plus de cérémonie, je vais laisser la parole à Laurie. Ok, merci. Donc, c'est pour présenter les jeux, la première partie, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. T'avais un jeu en particulier Alors, dans le mail que je t'avais envoyé, il y en avait deux qui éventuellement avaient retenu ton attention. C'est ça que tu veux que je développe ou pas? Alors, attends, je regarde. C'était Descent et Agon. Ouais, pas forcément, c'était juste que ceux-là, je comprenais pas pourquoi tu les avais mis en bac à sable. T'avais cité, vite fait, t'avais cité Oltré, bon, incontournable, hein, je pense j'imagine que vous l'avez l'avez bac à sable. Non, du tout, on n'en a pas du tout parlé d'Oltré. T'avais cité Almighty Fuse, Agon, Dogs in the Vineyard et Descent. Okay. Lequel t'intéresse le plus, là? Alors, je vais partir sur Agon. D'accord. Puisque effectivement d'autres pour certains c'est évident. Et depuis hier je réfléchis à cette idée de bac à sable et je vois que finalement c'est pas aussi simple que ce que j'imaginais. Pourquoi est-ce que je mets Agon dans du bac à sable? A priori. Explique-nous d'abord quand même le contexte, qu'est-ce que ouais, c'est Agon? Agon, donc c'est pour ça que j'allais y aller. A priori, le MJ prévoit une quête pour les personnages qui sont des héros grecs. La quête, elle est tout ce qu'il y a de plus directive. Un dieu ou une déesse balance une quête à qui voudra aller faire ça. Et les héros sont là pour graver leur nom dans la légende et voir peut-être, je sais pas quel est le niveau le plus haut qu'on peut atteindre, mais... mettre un pied sur dans le mont là un peu je crois dans le top du top quoi. A priori ultra linéaire, le MJ prépare différents obstacles sur le chemin de la quête et les joueurs suivent quoi parce que ils sont là pour ça quoi, ils sont là pour accomplir la quête. Le premier truc qui m'a vraiment frappé quand j'ai joué, c'était en fait la totale liberté que nous avions en tant que joueurs, donc moi j'étais joueur, de surmonter les obstacles. À tel point que je crois que sur notre première partie, on a dû jouer 1 heure ou 1 heure et demie pour les deux premières lignes de la quête qui étaient le roi reçoit une quête d'une déesse, je ne sais plus laquelle c'était, Athéna je crois, et il faut aller sur une île, donc on prend un bateau. On a passé 1 heure et demie là-dessus à convaincre le roi qu'il fallait qu'on y aille, à essayer d'obtenir un bateau, à vouloir armer le bateau, parce que sur l'île il y avait peut-être des pirates, on s'est renseigné sur l'île. Pour un truc qui, peut-être que pour le MJ, c'était bah, vous montez dans un bateau et vous allez sur l'île, quoi. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a cette liberté? Parce que déjà le système. Est agréable au sens où on a une liste de vite fait 16 compétences et elles valent toutes la même chose. C'est-à-dire qu'on lance le dé de la compétence et si on obtient plus que la difficulté du MJ, on a réussi. Donc pour convaincre le roi d'avoir un bateau, on peut lui parler, on fait un jet d'éloquence, on peut le frapper, on peut... draguer sa sœur ou sa fille pour que elle influence son père pour lui dire que c'est nous qui devons y aller. On peut on peut faire ce qu'on veut. Explique-moi, attends, tu parles que toutes les compétences ont la même valeur, j'ai bien compris ? En fait, ont la même valeur en tant que pouvoir. Ah oui, elles ont le même pouvoir de résolution. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux, le joueur choisit la compétence qu'il utilise. Voilà. On te dit pas, tiens, pour faire ça, il faudra faire tel jet. On te dit, pour faire ça, il faudra que tu fasses un jet qui fait plus que le mien. Ok, après, c'est toi, tu choisis les moyens, quoi. Voilà, du moment que c'est cohérent, alors, évidemment, tes compétences, chaque personnage a des compétences fortes et des compétences faibles, donc il va essayer de trouver un moyen d'utiliser ses compétences fortes. Donc c'est en ça qu'elles ne sont pas égales, mais elles vont avoir le même résultat. C'est pas si tu fais un jet d'éloquence, il se passera ça, si tu fais un jet de force, il se passera ça. Voilà. Je t'interromps, ça me fait penser à un jeu qui s'appelle Risus, qui est un jeu plutôt humoristique, où là, si tu utilises une compétence qui est inappropriée, tu as de meilleures chances de réussir. Par exemple, si tu es un coiffeur et que tu utilises sa compétence coiffure pour gagner un combat. Alors là, c'est pas humoristique, enfin, pas trop, même si on se marre bien. Et donc il y a tellement de liberté, en fait, aux joueurs pour surmonter un obstacle, que ou en tout cas pour se rendre du point A au point B du scénario un peu prévu, que je trouve qu'on s'oriente un peu vers le bac à sable. C'est pas encore du bac à sable pour moi, mais... Ouais, il y a Frédéric Saintès qui a fait une liste des différents types de scénarios. C'est un article sur Limbic Systems qui s'appelle « Schéma d'évolution narrative ». Et ce que tu décris, il me semble qu'il l'appelle un scénario en chapelet. Vous voyez, ouais. Un chapelet, c'est grosso modo, c'est une corde, et puis il y a des boules, en fait, de loin en loin. C'est-à-dire que tu as des moments dirigistes, bah, par exemple, effectivement, vous devez aller sur l'île, et puis après, tout d'un coup, ça s'ouvre d'un coup, il y a plein de possibilités. Bah, par exemple, là, dans le cas de ton exemple, toutes les possibilités qui s'offrent à toi pour aller sur l'île, effectivement, on voit qu'on peut, si on veut, on peut y passer 2 heures, ou on peut torcher ça à toute vitesse, et en tout cas, il y a plein de choses qui peuvent passer à ce moment-là, et puis sans doute que j'imagine qu'une fois qu'on arrive sur l'île, ça se resserre d'un coup, je sais pas, par exemple, un monstre vous tombe sur la gueule quand vous débarquez sur l'île, quoi, et ensuite ça se rouvre à nouveau, et ainsi de suite, quoi. Alors, donc, il y a cette idée qui, pour moi, pas du bac à sable, mais qui m'a interpellé. Le MJ, il a en fait un système ultra simple pour réagir, c'est-à-dire qu'il a des points pour la quête. Et à partir du moment où il met une difficulté, il définit combien de points il attribue à cette difficulté, et ça lui donne la valeur de la difficulté. Et s'il veut réagir aux initiatives des joueurs, il peut très bien, par exemple, je reprends notre premier exemple, on devait aller sur l'île, il y avait un obstacle qui était une tempête sur l'île. En mer, il y avait quand même des chances qu'on prenne un bateau, donc on prenne la tempête. Mais si on avait décidé d'aller ailleurs, de dresser des Pégases pour se rendre sur l'île, bon, tu vas me dire, c'est un mauvais exemple, il aurait pu avoir aussi une tempête en l'air. Mais s'il avait prévu un obstacle, une attaque de pirates, en Pégase, on aurait passé l'obstacle qu'il avait prévu. Donc en fait, c'est juste des points qu'il récupère et il les attribue pour autre chose. Et si on creuse un peu en fait ce raisonnement, le MJ prévoit des obstacles fort probables. Mais s'il a envie de rien prévoir, il prévoit rien et il va réagir comme il l'entend, puisque de toute façon les joueurs vont prendre les initiatives qu'ils veulent. Là où Agon peut aller encore plus loin, c'est que la quête, les héros ont même le droit de la refuser. En avançant un petit peu dans le jeu, En fait, on se tape des quêtes de différents dieux qui évidemment se pourrissent les uns les autres et t'es pris au milieu de tout ça, donc tu peux commencer à faire des choix et même dans un scénario te retrouver avec deux quêtes contradictoires et les héros vont faire le choix de servir la quête d'un dieu plutôt que d'un autre. Et là où ça commence à tomber pour moi sur du bac à sable, mais un bac à sable pour MJ. Parce que l'univers dans lequel on évolue, MJ et joueur, ça reste quand même la Grèce antique et mythologique. Donc c'est un univers sur lequel tout le monde, enfin, on peut avoir tous des références géographiques, culturelles. Et finalement, on peut tous broder en fait par rapport à un jeu comme Outré où l'univers n'existe pas et il faut y apporter je vais reprendre le terme de Bastien que j'ai beaucoup aimé, des opportunités à saisir ou pas. Ici, en fait, le monde, il est connu potentiellement, il est connu de tous et on n'a pas besoin Excuse-moi, de Laurie. lister les opportunités. Laurie, je te coupe un Ouais, instant. vas-y. C'est pour te signaler en fait qu'il y avait un participant qui était prévu sur le podcast, c'était Fabrice. Et puis le voyant pas arriver, on avait commencé sans lui et je pense qu'il a eu un problème. Et du coup là, il vient de débarquer. Donc bon, c'est juste pour préciser qu'il est là. Hein, il pourra prendre la parole s'il a besoin de poser des questions. Et puis quand tu auras fini ta présentation d'Agone, je pense que je lui laisserai la parole. Voilà. Ok, je termine rapidement pour que tout le monde ait le temps de parler. Et donc, si le jeu n'est pas présenté comme un jeu bac à sable, je trouve qu'il pourrait le devenir très facilement. On pourrait lister en fait des obstacles classiques de la mythologie. Bah, je vais citer Geronimo qui a fait un hack à Aragorn pour jouer dans les terres du milieu. C'était pour le concours Vieux Pot, Nouvelle Soupe, quelque chose. Vieux Pot, je me souviens, je suis sûr. Nouvelle Soupe, je suis pas sûr du terme. Et en fait, il a essayé un petit peu de tourner vers du bac à sable en présentant des outils, mais pas des outils pour les joueurs, en fait, des outils pour le MJ. Et je pense que le terme bac à sable peut aussi s'appliquer au MJ. Voilà. C'était mon. Attends, comment tu le ter... réexplique ta phrase là, le terme bac à sable peut s'appliquer au MJ. Tu permets, Le bac Laurie? à sable, c'est des. Je Vas-y. pense que ce qui est intéressant par rapport à Agon, qu'on pourrait transposer dans un bac à sable, qui est intéressant, c'est cette histoire de points de difficulté que le maître de jeu attribue aux différents éléments comment dire, de sa quête et qui peut redistribuer par après. Ce qui est intéressant par rapport à ça dans un bac à sable, par exemple, pour forcer le maître de jeu à pousser lui aussi son bac à sable à être interactif avec les joueurs, ce serait de se dire, à chaque session de jeu, je dois par exemple opposer 6 points de difficulté à mes joueurs. Alors un point de difficulté, c'est un lieu dans lequel il y a un danger à 2 points. Ça va être un PNJ important qui vaut 3 points. Ça va être un élément extérieur qui vaut 1 point. Et donc quand tu as utilisé ces 6 points-là lors de la partie, ben toi tu peux estimer en tant que MJ que tu as amené suffisamment d'opposition, suffisamment d'accroche à tes joueurs. Mais donc tu es libre de les amener et de répartir tes points comme tu veux. Et c'est ça qui est intéressant dans Agon ou Aragon quand on essaie de passer en mode bac à sable. C'est ça que tu voulais dire, Laurie? Bah oui, en Ou fait, pas, hein? oui, si. Alors, je précise juste un truc, en fait, non négligeable, c'est que pour 0 point, le MJ peut mettre des obstacles qui ont la difficulté la plus basse, mais ça lui coûte 0 point. Donc, en fait, les les héros peuvent prendre un embranchement au dernier moment et partir sur une autre piste, même si le MJ n'a plus de points, il peut toujours en balancer à zéro point. Alors, ce ne sera pas des trucs mirobolants et transcendants, mais il peut toujours suivre les héros sur leur piste. C'est-à-dire que si tu as un PNJ qui meurt et que tu as l'impression d'avoir foiré la quête, tu es quand même dans une mythologie connue. Si les héros ils disent bah non, on refuse de foirer la quête, on descend dans les enfers et on va le rechercher, ils descendent dans les enfers, ils vont le rechercher, quoi. Tu peux pas t'y opposer. En fait, j'ai l'impression que quelque part, là où justement Agon renverse la logique, c'est qu'il propose un semblant de scénario linéaire, mais en fait, les joueurs ont une telle capacité d'action. Puisque t'as vu, effectivement, on peut aller jusqu'à twister un truc, tel PNJ important est mort, on va descendre dans les enfers le rechercher. Que du coup, la puissance d'action en fait des PJ fait que d'un scénario linéaire, on tourne en bac à sable. Et ça m'amène aussi à la conclusion que, en fait, on peut faire du bac à sable avec presque tous les jeux de rôle classiques qu'on peut trouver dans le commerce. D'ailleurs, quelque part, c'est ce que font pas mal de MJ. Hein. Ils vont pas forcément... S'ils ont envie de faire un bac à sable, ils prennent n'importe quel jeu. Ils sont plutôt séduits par l'univers et ils vont utiliser les règles de simulation de l'univers pour faire leur bac à sable. Bah, c'est un peu ma conclusion de... Ça fait 24 heures que j'essaie d'écrire un article sur les bacs à sable avant d'enregistrer ce truc-là. et c'est un petit peu la conclusion où je suis arrivé en me disant... Mais en fait, tous les jeux sont des jeux à bac à sable, à part quelques-uns, et qui sont à la limite, et qui sont vraiment à la limite de ce qui est pour moi encore du jeu de rôle, à savoir des univers ultra définis. Donc je vais prendre un truc comme les 5 anneaux, et à condition d'y jouer des scénarios de la storyline, du commerce. C'est-à-dire que le scénario il est aussi ultra linéaire, que le MJ n'a aucune marge de manœuvre, que les joueurs n'ont aucune marge de manœuvre. Si tu décides de jouer comme ça, je pense que là, il n'y a plus rien de bac à sable, mais je suis plus vraiment sûr que ce soit du jeu de rôle non plus. Je pense que tu amènes à zéro la possibilité de bac à sable quand tu es dans une optique try and die, c'est-à-dire comme dans les jeux vidéo où pour franchir tel obstacle, ben déjà tu es obligé de franchir l'obstacle, quoi, il y a pas d'histoire si tu t'attaques pas à l'obstacle, tu peux pas le contourner ou le fuir ou décider de t'intéresser à autre chose, et en plus de ça, il y a qu'une façon de résoudre l'obstacle, quoi. Et tant que tu l'as pas trouvé, ben tu restes là à attendre, quoi. En fait, il n'y a pas de fiction en dehors du fait de résoudre l'obstacle et d'une seule façon possible. Et à partir du moment où tu es dans un système comme ça, il n'y a pas de bac à sable possible. Et par exemple, c'est dans le jeu de rôle Histoire de Fou, justement, c'est vraiment du try and die, une mécanique try and die, c'est-à-dire que tu as une série d'obstacles à résoudre et à chaque fois, il y a une seule façon de les résoudre, quoi. Oui, ça, ou dans Parsley Game. Oui, Parcelli Games, effectivement, tout à fait dans cette logique-là. Là, c'est l'exemple à l'extrême de l'inverse d'un bac à sable. Ça fait très jeu vidéo, cette histoire de try and... Je sais plus ce que c'est. Là, try and die, ça veut... Try and die, voilà. Compte et meurt tant que t'as pas fini, quoi. Et dans le jeu de rôle, tu peux avoir aussi le... T'essayes, et puis de toute façon, si tu foires, c'est pas grave, l'histoire, elle continue, parce que tes persos, ils sont... tellement secondaire par rapport à l'histoire qui doit avancer que... Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un Deus Ex Machina qui vient résoudre l'obstacle à ta place pour... Ouais, ou de toute façon ça avance et puis on s'en fout, et c'est assez classique dans certains scénarios du commerce de 5 anneaux où t'as des machinations qui sont tellement au-dessus des joueurs que les joueurs ils évoluent dans un décor qui leur passe au-dessus de la tête, ils y prennent plaisir ou pas. Mais de toute façon, ça avance et ça se passera comme c'était prévu, parce que les premiers scénarios, tu joues des persos de rang 1 et les enjeux sont... Ouais. Dans les légendes de la garde, qui proposent quand même des choses assez... enfin, les gens de la garde peuvent faire, tu peux faire du bac à sable complètement, mais à l'échelle d'un scénario, c'est pas du bac à sable, c'est plutôt linéaire. Et en fait, il propose une approche par contre plus élégante du scénario linéaire, dans le sens où si tu effectivement l'histoire va se dérouler, que tu résolves pas l'obstacle ou pas. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas ce qui en fait ce qui va surtout varier, c'est enfin dans quel état tu vas franchir l'obstacle, quoi. À la fin, en fait, soit tu franchis l'obstacle sans encombre et avec les honneurs, soit tu franchis l'obstacle mais avec des états, c'est-à-dire que tu t'es malade, t'es énervé, tel PNJ est mort, ou t'es même voire même tel PJ est mort. Tu peux C'est-à-dire aussi que... faire des concessions sur ton obstacle. Hein. Tu peux Ouais, ne pas accomplir effectivement. ta quête totalement. Hein. Enfin, je pense Ouais. que dans Légende de la Garde, ce qui est linéaire, c'est la résolution d'une scène. Oui, Puisqu'il y a à l'échelle d'une scène, c'est linéaire. l'alternance tour de MJ, tour de joueur. Maintenant, chaque nouvelle scène est en elle-même suffisamment indépendante des autres pour que on puisse être dans un bac à sable, dans un bac à sable qui est en mode très elliptique. Une des. Comment dire? Un des pièges du bac à sable, c'est de vouloir tout jouer. C'est-à-dire pas aucun temps mort, en fait, on joue tout jusqu'à la négociation de la bière dans l'auberge. Presque, en tout cas. Mais ce que j'entends par là, c'est que comme ce sont les joueurs et surtout les responsabilités qu'ils prennent, les opportunités qu'ils saisissent qui sont importantes, eh bien, le maître de jeu, quand il dit 3 jours plus tard, il prend le risque énorme d'avoir un joueur qui lui dit juste après, ah oh oui, mais non, moi je voulais faire ceci, je voulais faire cela. Donc, on en arrive vite. En effet, les joueurs ont tellement de choses à faire. Ils ont, généralement, dans un bac à sable, une fois qu'on a franchi les deux, trois premières parties, les joueurs, enfin leurs personnages plutôt ici, sont toujours en train de courir plusieurs lièvres à la fois. Et donc, pour eux, faire une ellipse de 2 ou 3 jours, c'est une perte de temps monstrueuse, même si c'est du voyage, hein, qu'ils n'auront probablement pas envie de perdre à ça. Et on en arrive, surtout en plus dans des univers technologiques, où chaque phase de voyage reste une phase active de gestion des acquis et de capitalisation des acquis. Dans un monde Heroic Fantasy, on rencontre de plus en plus des personnages qui cherchent à avoir un moyen de communication pour quand ils partent en voyage. Et donc, les joueurs doivent partir dans la montagne de machin chose qui est à 12 jours de trajet. Eh bien, ils vont s'arranger pour avoir 3-4 pigeons parce qu'ils savent qu'ils vont devoir envoyer des messages, qu'ils vont avoir des idées, qu'il y a des choses qui vont se décanter, qu'ils vont apprendre des informations, qu'ils vont avoir besoin d'interagir avec les gens. Et donc, tu te rends compte que il y a ce problème que les joueurs transposent un peu notre monde de communication immédiate à l'univers dans lequel ils jouent et qu'ils ne se rendent pas compte. Oui, mais non, attendez, vos personnages, ils vivent dans un monde de type 13e ou 14e siècle. Quand ils partent en voyage 12 jours, ils savent qu'ils sont coupés du monde pendant 12 jours. Et quand ils vont revenir dans un mois, ben, ils découvriront le monde tel qu'il a évolué dans un mois. Partir avec 4 pigeons voyageurs, moi je peux vous dire que le premier troll que je vous mets dans les dents, les pigeons voyageurs, ils sont croqués, quoi. Ah, Bastien, par contre, ce que ton exemple, il me fait penser à un autre jeu, c'est Space Ronin de Frédéric Saintès, qui est en développement. C'est un jeu cyberpunk, hein, donc là, du coup, la technologie permet de gérer justement plusieurs lièvres à la fois. Et donc, sur les feuilles de personnages, on utilise des post-it en fait pour pister les emmerdes des personnages, quoi. Par exemple, quand tu foires un jet de dés, tu peux dire je gagne, mais avec une complication. Par exemple, j'ai une dette d'honneur que je vais devoir, dont je dois m'acquitter plus tard, quoi. Et donc, tu accumules en fait sur ta feuille de personnage des post-it de choses que tu vas devoir gérer plus tard. Et donc, là, du coup, c'est bac à sablement parlant, c'est intéressant comme Oui, mécanique. tout à fait. Tout à fait. Dans Tranchons et Tracons, le système qu'on utilise dans les Terres Barbares actuellement, quand les personnages font, on va dire, une réussite, non, un échec critique, ils chopent une faiblesse. Alors, une faiblesse, c'est quelque chose que le maître de jeu ou personnage peut activer pour donner un gros malus à son joueur. Et c'est très intéressant. Par exemple, j'ai un des personnages a une faiblesse qui est absence. Donc, elle a des absences, elle ne sait pas. Enfin, maintenant, elle sait d'où ça vient, mais elle avait des absences. Elle en a d'ailleurs toujours à l'heure actuelle. Et donc, dans ces cas-là, eh ben, elle fait des choses bizarres. Et je demande un jet avec une difficulté de moins 4. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un jet que le joueur, à la limite, a envie de rater. Parce que c'est un jet qui va amener du peps véritablement à la partie. Ouais, tu me fais penser, en fait, on voit que il y a deux mécaniques de base qui sont intéressantes dans les bacs à sable, c'est tout ce qui est 8 mai. Bon, on voit bien avec Apocalypse World, hein, le fait d'apporter tu peux réussir si tu cèdes des compromis, des complications. Et généralement, une complication, c'est quelque chose de dynamique, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est une emmerde qui continue son cours après, quoi. Par exemple, oui, t'as gagné le combat, mais tu t'es fait une sale blessure et ça se trouve, tu vas choper la gangrène. Faut vite qu'on trouve une solution pour gérer ça. Donc, toujours que chaque. En fait, du coup, chaque jet de dé porte en lui un rebondissement futur. Chaque jet de dé génère beaucoup de fiction, quoi. Et puis, il y a tout ce qui est mécanique d'avantages, désavantages. On voit que dans des scénarios linéaires, si le joueur n'a pas pris les bons avantages, désavantages, enfin s'il n'a pas bien géré sa création de personnage, il prend le risque d'avoir un personnage qui soit complètement inadapté au scénario et qui échoue le scénario. Alors qu'en fait, dans un bac à sable, si on y réfléchit bien, tu peux pas foirer ton personnage puisque finalement. C'est ce que ton personnage est qui va définir ce à quoi il va s'intéresser, et puis ses défauts aussi vont générer des rebondissements intéressants, quoi. Donc, oui, pour tout ce que tu dis, sauf quand tu dis tu ne peux pas foirer ton personnage. Parce que tu peux arriver dans un bac à sable à ce que ton personnage ne soit pas du tout adapté au bac à sable. On va prendre un exemple très simple. Tu as un bac à sable qui est 100% urbain, dans lequel le maître de jeu a principalement prévu des intrigues, etc. Et tu as un joueur qui te dit... Ah, ben je moi, joue je un gangrel. Pardon ? Ouais, comme un vampire où tu décides de jouer un gangrel, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je veux jouer un ranger. Et le maître de jeu dit, ok, d'accord, ça peut être intéressant d'avoir un joueur qui joue le type le rat des champs, tu vois, qui arrive en ville. Ah oui, sauf que son ranger, il prend que des compétences de survie en milieu, en forêt, de pêche, de chasse, etc. Donc il est 100% zéro adapté à la ville, mais le bac à sable se passe 100% dans la ville. On pourrait imaginer une façon. C'est là que le freeform est intéressant. Hein. Ouais. Ou alors tu peux être créatif dans tes compétences. Par exemple, si tu as chasse et pêche, tu sais, tu peux chasser et pêcher en ville. Tu vas chasser des rats, tu vas chasser des chiens errants, mais en fait, peut-être que ça peut être intéressant de voir comment le ranger utilise ses compétences de ranger pour se démerder dans la jungle urbaine, quoi. Après aussi, excuse-moi d'intervenir, mais je me demande aussi si on peut pas jouer des personnages parfois qui sont complètement incompétents et qui sont juste intéressants à jouer de par leur faiblesse. Enfin, je pense qu'on a plein d'exemples en jeu de rôle de ça, notamment un groupe de D&D où on va jouer un érudit, mais ça va apporter des choses intéressantes parce qu'il va être confronté à plein de problèmes en fait. Est-ce que, par exemple, dans cette ambiance urbaine, si tu mets un campagnard, est-ce que ça va pas amener plein de situations comiques, rebondissements, etc. quoi. Mais après, c'est vrai que ça reste le coup du personnage inadapté, comme le souligne, je pense, Bastien. Ça reste aussi quand même un challenge pour le joueur et pour le MJ. C'est-à-dire qu'il faudra quand même une utilisation vraiment intéressante du personnage pour que ça soit fertile, quoi. Et avec des MJ, des joueurs inexpérimentés, ça peut foirer. Philippe avait une intervention à faire et après je laisserai la parole à Fabrice parce qu'il est temps quand même, ça fait déjà 2 heures sur la première partie. Alors bon, c'est pas grave, hein, je pense que c'était un podcast plus décousu qu'à l'ordinaire. Non mais c'est ma faute. Philippe. Oui, je disais le personnage inadapté, c'est là où le freeform va. C'est une des raisons pour lesquelles on bascule en freeform, c'est qu'on se rend compte que le système bloque le jeu, au lieu de créer du jeu, il en détruit, il empêche de prendre plaisir, et donc on s'en détache, et le personnage de Ranger inadapté, qui n'a que des compétences 2 et 2, mais on ne va pas l'empêcher de faire des choses, parce qu'il n'a pas les compétences que le système imposerait d'avoir pour faire des choses. Effectivement, il y a soit cette solution que tu dis, basculer en freeform, ou alors faire une utilisation créative des compétences. Tout à fait, tout à fait. Et on peut combiner les deux. Et alors, je voulais revenir sur la présentation d'Agon de Laurie. Je trouve qu'il souligne quelque chose qui est très intéressant et que je n'avais jamais vu aussi clairement. C'est que les jeux qui garantissent l'autonomie des personnages, des jeux où le système de jeu fait que le meneur ne peut pas, en respectant les règles, contraindre outre mesure les personnages, s'orientent naturellement vers du bac à sable. Donc des jeux comme Apocalypse World, comme Agon, où les règles font que les joueurs ont des résultats garantis dans le monde, à l'inverse de jeux comme Donjon, par exemple, où il n'y a rien qui empêche un meneur de jeu de mettre une rencontre non calibrée, de faire intervenir des PNJ surpuissants, de mettre des obstacles infranchissables pour contraindre le joueur. Et là, on peut maintenir les joueurs dans des scénarios linéaires, tandis qu'un jeu comme Agon, où les joueurs peuvent décider de « bon, on va rechercher le PNJ qui est mort en enfer », le meneur de jeu, il est obligé de suivre, de s'adapter, de vite improviser quelque chose là où il pensait qu'il y avait juste un décor, puis il doit aller au-delà, et ça devient du bac à sable. Et on peut aussi généraliser cette réflexion simplement à tous les jeux où tes personnages sont, on va dire, bien placés dans l'échelle de puissance de l'univers. Je prends l'exemple quand même de Vampire la Mascarade. Même si quand t'arrives dans Vampire, il y a quand même tout un tas de PNJ au-dessus de toi, mais déjà, t'es plus fort que tous les humains, quoi. Donc tu peux quand même faire tout un tas de... Tu peux faire un paquet de trucs sans problème, quoi. Donc du coup, en tout cas, moi, toutes les campagnes vampires auxquelles j'ai participé, ça ressemblait quand même pas mal du bac à sable, du fait de cette échelle de puissance sur laquelle se plaçaient les personnages, quoi. Alors, je ne dis pas que tous les bacs à sable doivent mettre en scène des personnages puissants. Dans Arbre, les personnages sont pas puissants du tout, mais le fait d'avoir des personnages puissants favorise le bac à sable. Si tu permets, je vais avoir un contre-exemple de personnages super puissants par définition. C'est du super-héros, où en fait ils sont tellement puissants que généralement on met des scénarios très linéaires pour éviter que ça parte dans tous les sens, quoi. Alors le contre-exemple de ton contre-exemple, Laurie, c'est Smallville, qui est un jeu de rôle de super-héros qui est un bac à sable urbain extraordinaire, puisque tu commences... Alors, c'est vrai, mais ce serait pas du super-héros, ce serait pareil. Oui, bon, de toute manière, ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux réflexions de Philippe et de Thomas, est-ce que la puissance des personnages implique ou pas le bac à sable? Je comprends très bien ce que vous voulez dire et en même temps je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que tu peux faire du bac à sable quel que soit le niveau de ton personnage, depuis le street level jusqu'au super héros. Je pense que le bac à sable, c'est comme on l'a très très bien dit tantôt, c'est juste un style de jeu, un style de maîtrise. C'est quelque chose qui, à mon avis, doit être fixé très très tôt dans le contrat social. Si le maître de jeu a envie de faire du bac à sable et que les joueurs ont envie d'arriver, de se mettre les pieds sous la table et d'attendre un gentil railroading, au bout d'un quart d'heure, tout le monde va se faire chier. Et je pense que tu peux y jouer avec n'importe quel jeu, preuve en est, le tout premier bac à sable de l'histoire, le Keep on the Borderland, c'est du Donjons et Dragons. Donc moi, je pense qu'il n'y a aucun système de jeu qui est contraire au bac à sable, mais en sachant que plus ton système est simulationniste et va dans le détail de sa simulation, plus évidemment le travail par rapport à ton bac à sable va être important, même si tu utilises toutes les techniques de les IMJ. Des techniques pour en faire le moins de préparation possible lors d'un jeu de rôle, et c'est des trucs qui fonctionnent très très bien aussi, et surtout d'ailleurs en bac à sable. Donc je pense que on n'est pas limité à un système, on n'est même pas limité à une puissance de personnage. Je pense qu'on est, on est plus limité. C'est un état fait d'esprit. Oui, tout à fait. Maintenant, je vous rejoins en ce sens que je pense que plus un système de jeu met l'accent sur la fiction et, beaucoup plus important encore, les conséquences des actes des personnages, plus il sera adapté à du bac à sable. Et c'est pour ça qu'à mon sens, les jeux motorisés sous l'apocalypse sont particulièrement puissants pour faire du bac à sable. Parce que ils ne fixent pas des valeurs de compétences. Ce qui les intéresse quand on fait un jeu 2D, c'est les conséquences de l'action des personnages. Est-ce qu'ils réussissent? Oui, mais avec brio, avec panache ou non. Et s'ils ne réussissent pas, eh bien, je leur en mets dans les dents et ils mangent. Et si ils échouent parce qu'ils sont cons, parce qu'ils sont aveugles et qu'ils échouent trois fois, eh bien, leur personnage est mort. Voilà. Parce ouais, d'ailleurs, que les conséquences sont vraiment importantes. Dans ce même état d'esprit, tu as Wasberg de Cédric Ferrand, bah, qui fonctionne justement avec un système qui gère finement les conséquences. Influenza aussi est un système qui gère les conséquences et qui est pareil, hein, qui permet quand même pas mal de bac à sable. Si voilà. Tu me permets de digresser encore un coup. Ouais, puis après on passera à Fabrice parce que le pauvre il doit trépigner. C'est peut-être pas la puissance des personnages qui est importante, mais c'est leur degré de liberté. Et effectivement, je pense à 5 anneaux par exemple, quand t'es rang 1 avec 12 000 supérieurs au-dessus de toi et que tu dois obéir, c'est impossible de faire du bac à sable. Ouais, mais oui et non, c'est encore autre chose parce que tu vois, dans Patient 13, on joue des gens qui sont enfermés dans un asile et c'est un pur bac à sable. Oui, mais ils sont libres de faire ce qu'ils veulent dans la. Enfin, c'est vrai qu'ils sont laissés, on les laisse vagabonder par exemple. Que quand on te dit, bah tu dois faire ça parce que tu reçois l'ordre et que t'es le troufion et que t'es dans une hiérarchie qui fonctionne comme ça, c'est difficile de. Il faut que les personnages aient aussi une liberté d'action. Je crois que dans L5R, la liberté d'action, elle se trouve en fait dans la négociation autour justement de l'honneur et de toutes ses obligations. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tout est négociable en réalité dans L5R. Mais bon, c'est ardu. Hein. Elle existe, mais ça nécessite une compréhension de l'univers. De, ouais, tout à fait. Enfin, ça vient pas comme ça, quoi. Tout à fait. Donc il y avait ça et puis un autre truc mais je sais plus ce que c'est donc voilà. Juste pour quand même pour pas trop tirer sur le pianiste L5R, on peut quand même citer dans les bacs à sable, je pense que Sunda Tsutsuba. Ouais voilà. On va arriver, je crois que c'est Sunda Shinzumura, ouais, quelque chose voilà, comme ça. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Oui. Donc c'est une ville, en fait c'est un sandbox urbain pour L5R. Je crois que c'est Akai qui l'a écrit, je dis une bêtise. Oui, pas que lui, c'est... Mais il a illustré, il a grosso modo c'est lui qui a chapeauté le projet. Et quand on voit ne serait-ce que la carte de la ville par Akai, on voit bien que la ville elle est vivante et qu'il y a plein de choses à y faire, quoi. Tout à fait. Fabrice, est-ce qu'on peut te laisser la parole après toutes ces digressions en nombre? pas de soucis, mais vu l'heure tardive, tu veux que je parle quand même de Fate? Enfin, je sais pas où on en est exactement. Là, alors, en fait, on est toujours à la première étape, c'est-à-dire que là, on a passé deux heures sur la présentation de jeu. Enfin, c'est pas rien grave, c'est-à-dire que en fait, à chaque fois, ça nous a amené à développer des concepts. Je pense juste que là, effectivement, il va falloir qu'on se fasse violence. Donc, soit tu parles encore d'un jeu, si vraiment tu penses que tu as des choses intéressantes à apporter avec Fate, ou alors tu passes directement au concept. De toute façon, les concepts, là, on va les faire un petit peu au pas de charge. Donc, il faudra être très... pour les concepts, il faudra être très synthétique. D'accord. Et pas trop s'interrompre, du coup. Ce que je peux te proposer, c'est d'aller grosso modo sur Fate, et s'il y a des éléments nouveaux par rapport à ce que vous avez dit, c'est éventuellement développé, sinon voilà, continuez là-dessus quoi. Enfin, ça sert à rien de s'étendre si vous en avez déjà parlé quoi. Explique-nous, parce que déjà Fate, c'est un système que je connais assez mal, voire même très mal. Oui, dû au fait que déjà pour l'instant il est en anglais, il y a un projet Ulule d'une manière de jouer à Fate très pulp qui s'appelle Spirit of Century qui est en cours, mais enfin pour l'instant ça reste un jeu en anglais, donc pas très connu. C'est un système de jeu qui propose plutôt de faire de l'aventure de manière très générique avec des techniques assez narratives. Donc voilà, je pourrais parler de fake pendant des heures, mais j'essaie de pas trop m'étendre. Mais en gros, c'est un système générique à base de traits ou plutôt d'aspects. Je ferai là une petite nuance entre les deux. Qui permet de jouer du jeu d'aventure, et c'est très efficace sur du pulp notamment, parce que ça va permettre, en gros, on joue des héros, ou des personnages importants qui vont s'en prendre dans la gueule, mais qui vont avancer, enfin, quoi qu'ils se prennent dans la gueule, ils vont continuer à avancer, à devenir plus forts, et finir par arriver d'un point A à un point B, quoi. Il y a la fiche de perso assez simple, mais on va dire que tout se résume autour des aspects. Qu'est-ce qu'un aspect ? C'est une phrase ou un groupe de mots qui va donner des informations au personnage. On a généralement un concept principal, hein, donc là, ça peut être un métier ou ça peut être ce qu'il définit vraiment. Donc ça peut être un menteur invétéré, un savant fou, etc. Et un trouble, c'est quelque chose qui va le pénaliser, qui va l'empêcher de faire certaines choses. Typiquement, vous jouez un scénario enquête et vous avez un trouble qui dit je déteste les flics. Des petites choses comme ça. Ce qui va être donc très intéressant sur ces aspects, c'est que via quelque chose qu'on appelle les points fate, on va pouvoir influencer la narration de manière un petit peu indirecte. De la manière suivante, c'est-à-dire que quand vous avez un aspect que vous allez pouvoir le jouer d'une manière un peu négative, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le contraindre. Typiquement, je déteste les flics, et que vous allez dire, soit le MJ va le faire, soit vous, en tant que joueur, vous allez le faire, bah, je fous un pain au lieutenant de police qui m'a regardé de travers. Vous allez regagner des points fate qui vont vous permettre soit d'avoir un avantage mécanique, un plus 2, un G, soit d'inventer un petit bout de narration. Typiquement, je connais telle personne, oui, en fait, j'ai déjà été ici, etc. Et ce qui peut être intéressant dans le bac à sable, en fait, c'est que ces aspects vont créer le scénario. À Fate, quand on essaie d'adapter des scénarios tout faits du commerce, généralement on se plante, on se casse la gueule. Parce qu'il faut utiliser la mécanique de jeu pour que ce soit marrant. Sinon, ça reste juste un système générique pour simuler des actions. Ouais, par exemple, si tu mets un pain dans la gueule de l'officier de police pour gagner des points de fate, on peut imaginer qu'il y aura des histoires avec ce type plus tard, quoi. Voilà. Et donc, il faut... Pas forcément tout de suite, mais peut-être que deux scénarios plus tard, le flic va mettre en place une vengeance. Ouais, après, MJ joueur, faut être intelligent. Faut pas se passer sa vie avec ce bastonnet. Mais il faut faire son possible pour utiliser ces aspects. On va essayer de bloquer les joueurs à intervalles réguliers, en fait. Ils vont devoir utiliser leurs aspects, enfin les aspects négatifs de pour gagner des points fate et pour arriver à avancer. Et donc, comme je disais, le scénario, ça marche pas. Donc, il faut faire des situations. Quand vous créez votre groupe, en fait, vous allez vous démerder pour que ça a un impact par rapport au setting. Typiquement, dans n'importe quel jeu, on va prendre une compétence parce que ça nous fait marrer d'avoir un personnage avec telle compétence. À Fate, on va prendre un aspect parce que ça a un rapport avec le scénario. Si on joue d'Indiana Jones, on n'aura jamais un aspect d'un expert comptable qui reste chez lui d'habitude. Il aura une raison d'être dans cette intrigue, d'être dans cette situation, et va être proactif. La proactivité à Fate, c'est très important. Donc on va construire les aspects par rapport au setting qui est autour de nous, quoi. S'il y a une relique qui a été volée au muséum d'histoire naturelle, je sais pas quoi, bah on va se démerder pour que dans nos aspects, il soit intéressé par cette relique, il est gardien du musée, ou c'est peut-être lui-même qui l'a piqué, mais tous les personnages vont être reliés entre eux au cœur d'une histoire. C'est en fait, vous imaginez, vous êtes au cœur d'un film, enfin on dit souvent ça sur du jeu de rôle, mais c'est pas toujours vrai, vous êtes au cœur d'un film, vous êtes les personnages principaux, et vous avez des raisons d'être là, quoi. Ouais, c'est du caractère centered, quoi. Ah, c'est clairement du caractère centered, ça. Et donc, on essaie de construire les aspects pour qu'ils ricochent aussi un peu entre les personnages et que ça soit fun, etc. On va contraindre nos aspects, on va regagner des points faits, on va créer un peu de narration et on va avancer en permanence, quoi. Et si on est exemple, ben, ça va pas marcher, quoi. Voilà. Et Ouais. En fait, je reviens sur les débuts de ce que tu expliquais sur Fate, le fait par exemple d'utiliser ces aspects en négatif pour créer de la fiction, pour que ça crée de la fiction, tout ça. Et là, en fait, je commence à me poser une question. Ben, je l'avais un petit peu dans un coin de ma tête avant de faire le podcast, mais là, ça revient en force. En fait, on a tendance à opposer les bacs à sable, on va dire, au scénario linéaire. Bon, même si je suppose qu'il y a 50 nuances de l'un vers l'autre, quoi. Hein, grosso modo, de se dire qu'il y a soit le bac à sable, soit le chemin de fer. Mais en fait, quand on est dans un scénario où on improvise tout, enfin, dans un scénario, quand on est dans une partie où on improvise tout, soit parce que voilà, le MJ invente au fur et à mesure, soit parce qu'on a des mécaniques qui soutiennent l'improvisation, par exemple avec une gestion des conséquences dans Apocalypse World ou Influenza, ou effectivement un système qui permet aux différentes facettes de la personnalité d'un personnage de s'exprimer. Donc t'avais cité Fate, mais il y a aussi les légendes de la garde qui fonctionnent beaucoup comme ça, hein, c'est quasiment le même mécanisme. Fus aussi, hein. Système d'affaires, hein, on retrouve beaucoup. En Ouais. fait, quand tu te retrouves à improviser de la fiction tout le temps comme ça, est-ce qu'on est encore dans un bac à sable dans le sens où finalement on pourrait jouer sans préparation? Et moi j'ai tendance à penser qu'un bac à sable il implique forcément qu'il y a eu un contexte de préparer et aussi qu'on se tire les doigts pour exploiter ce contexte et non pas pour exploiter uniquement des choses qu'on a improvisées au débotté. Et avant de vous laisser la parole, ça me fait penser au podcast de Radio Rawlist sur Oltré. Bon bah justement, Oltré, le jeu bac à sable du Grumph. Bon, j'ai pas lu le jeu, hein. Je suis persuadé qu'il y a plein de super trucs dedans. Mais en fait, il y a une tension dans Oltré entre les techniques de préparation. Tu prépares des hexagones, tu prépares ton monde, et puis plein de systèmes de guides à l'impro, plein de responsabilités narratives qui sont données aux joueurs avec les cartes d'exaltation. Enfin, grosso modo, les joueurs créent pas mal de fictions en cours. Et donc Cobal, après je sais pas s'il a vraiment exactement joué les règles, mais il disait bah ouais je me suis fait chier à préparer j'ai passé une soirée à préparer mes hexagones, mais finalement quand on a joué, j'ai utilisé 10% de ce que j'avais préparé, et tout le reste ça a été de l'impro. Et enfin j'ai et finalement, du coup est-ce que c'est encore du bac à sable quand s'il y a trop d'impro? Alors, oui, et d'autant plus que je pense qu'il y a une chose qui était importante dans la définition que tu as donnée tantôt du bac à sable, c'est que le bac à sable doit avoir des limites. Donc, par exemple, quand moi je prends mes joueurs et que je les envoie dans les terres barbares, il n'est pas question qu'ils me disent « Ah, on veut retourner à Ingolberg, la capitale du royaume de Bentor, le troisième d'où on vient. » Non. Non, vous êtes dans les terres barbares, vous restez dans les terres barbares, c'est la limite géographique. Vous restez là. Eh bien, c'est pareil. Quand tu dessines tes hexagones à Oltré, tu fixes la limite géographique de la région où tes patrouilleurs vont être envoyés en mission. Et oui, c'est normal que la première partie, ou même les deux ou trois premières parties, tu n'utilisais que 10% de ce que tu avais prévu. Et oui, c'est normal que dans un bac à sable, tu improvises énormément. Pourquoi? Ben parce que tu es limité, ben non, tu es, en tant que maître de jeu, tu es ballotté en fonction des lubies de tes joueurs. Les lubies de tes joueurs qui vont se traduire à travers, pour reprendre toujours ma signalétique, les responsabilités que vont assumer les aventuriers. Et donc c'est normal d'improviser. Et quelque part, pour moi, c'est même là le plaisir principal du bac à sable, c'est que c'est un mode de jeu où le maître de jeu est tout autant surpris de ce qui arrive que les joueurs. Et peut-être même plus d'ailleurs. Parce que le maître de jeu, il a préparé des trucs et il se dit, ah tiens, il existe ça pourrait être marrant que, et ça n'arrive jamais. Et donc, il est constamment surpris parce que les joueurs vont faire du bac à sable. Et c'est ça l'intérêt du bac à sable. Ouais, en fait, Je quand tu voudrais. joues bac à sable, entre guillemets, tu dois. Je suis d'accord avec toi. Hein. En fait, tu dois être prêt à. Enfin, tu peux rien sacraliser. En fait, il faut être. La beauté du truc, c'est que effectivement, tu sais quand même que de toute façon, tu n'utiliseras que 10% de ce que tu as préparé. Fate propose une Oui, technique. et non. Je voudrais réagir. Oui, Philippe. Alors, oui à l'improvisation. D'ailleurs, si on regarde les jeux style Apocalypse World, ce n'est que de l'improvisation. Il n'y a pas de préparation avant la première séance. C'est ce qui fait une des beautés du jeu, d'ailleurs. Donc on peut parfaitement faire du bac à sable sans préparer. Il y a des techniques pour ne pas préparer trop. Apocalypse World en propose, moi je voulais en proposer une autre. Il y a toujours du déchet, mais on recycle. Et par exemple, je ne suis pas d'accord, par contre, sur la limite géographique. C'est la limite de la préparation, mais moi, mes joueurs me disent « je veux retourner à tel endroit ». Je dis « ok, mais sache que là, j'ai rien de prêt, donc soit on continue à jouer et on va voir ce qu'on improvise, mais ce sera peut-être un peu mou du genou ». Et parfois, c'est ce qu'on fait, et ça peut donner des bonnes comme des mauvaises parties, c'est un peu la roulette russe. Ou vous me donnez 20 minutes, une demi-heure, je reprends mes notes, et je sais qu'il s'y passe quelque chose quand vous arrivez, et c'est ce qu'on fait d'autres fois. Ça dépend où on en est dans la partie, moi, et les deux fonctionnent. Dans Arbre, par exemple, les éléments en fait sont flottants. C'est-à-dire que je prépare mes PNJ, mes menaces, mes événements, quoi. Mais ils sont pas liés à un endroit géographique, donc du coup je peux les déplacer en fonction des déplacements des personnages. Quoi. Alors, je sais pas si j'étais quand je dis il faut que le sandbox ait une limite, il faut pas nécessairement qu'elle soit géographique. Elle peut être temporelle, elle peut être contextuelle. Mais il faut qu'il y ait des limites. Si on ne fixe pas des limites à un sandbox, alors j'ai envie de dire, on construit des châteaux en Espagne. Parce que le monde est toujours plus grand. Et ce qu'on va faire n'a pas d'impact par rapport à l'univers qui est important pour vos joueurs. Parce que l'univers est tellement immense que de toute manière, on est qu'une poussière dans le vent. Quoi. Ouais, on puis est sur... une poussière d'étoiles. Plus exactement, je pense que du coup, l'univers n'a pas d'existence en dehors des personnages. Du coup, si on est que dans l'improvisation, en fait, on voit, c'est exactement ce qui se passe dans Inflorenza. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément un bac à sable. Dans Inflorenza, quand tu joues à Inflorenza, en fait, clairement, si les personnages ne regardent pas dans une direction, dans cette direction-là, il se passe rien. Tandis que moi, quand je joue dans les Terres Barbares, chaque fois que mes joueurs arrivent dans un nouveau village, ou vont dans un nouvel endroit, je me demande qui a entendu parler d'eux, dans quels termes, par quel biais, comment est-ce que ce qu'ils ont fait précédemment a influencé la vie du village où ils sont, etc., etc., etc. Un système de réputation. Non, c'est pas vraiment un système de réputation. D'un point de vue, j'utilise le Mythic Game Master Emulator. Donc en fait, je pose deux ou trois questions. Et le Mythic Game Master Emulator, qui est une espèce de générateur chaotique, me donne des réponses. Je pose des questions, c'est des questions qui vont donner, ça donne vraiment des réponses genre oui, oui, non, oui, mais, etc. Et de temps en temps, ça donne des choses totalement, parfois difficiles à interpréter, mais toujours, toujours, toujours extrêmement intéressantes. Et donc, ça pour moi c'est important. Si tu ne mets pas une limite à ton sandbox, si tu ne mets pas une limite à ton bac à sable, alors, quelles que soient les responsabilités que prennent tes personnages, elles n'auront pas d'importance. Parce que l'univers est trop vaste et chacun est trop minuscule pour avoir un impact sur l'univers. Tandis que quand tu te contrains dans un espace, mais un espace en termes de fiction, alors tes personnages peuvent avoir un réel impact, peuvent véritablement peser sur ton espace fictionnel. Et ça, c'est intéressant, parce que ça donne une raison d'être à tes parties de jeu de rôle, simplement. Okay. Alors, on va peut-être redonner la parole à Fabrice, parce que tu n'as peut-être pas fini sur Fate, alors je vois qu'on a encore digressé des gros malades. Juste, non, mais pas de soucis, enfin, c'est un peu en rapport à ce que je voulais dire, j'attends que vous terminiez. Justement, rapport à, je pense aussi qu'un bac à sable qui n'est, par exemple, Inflorenza est un très bon exemple. Un bac à sable qui n'est pas préparé n'est pas un bac à sable, en fait. Je pense que c'est une troisième voie, en fait. C'est un troisième type de jeu. Parce que Inflorenza, moi, ça m'est arrivé de démarrer avec une phrase, trois mots, ou ce que j'avais lu sur un paquet de Chocapic, quoi. Alors qu'un bac à sable, c'est un peu différent. Et Affect, notamment, t'as un aspect qui est intéressant. C'est ce qu'on va appeler l'approche fractale, c'est-à-dire à Fate, comme je vous ai expliqué, hein, chaque personnage est résumé par des aspects. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que certains aspects peuvent être écrits en cours de jeu, ce qui fait que c'est encore plus interactif. Mais le truc, c'est que par exemple, on va pouvoir donner des aspects à des choses, à des objets, à des événements, etc. On prend un exemple, par exemple, je sais pas, le trône de fer. On peut donner un aspect au mur dans le trône de fer qui est ceci, le mur qui protège de ce qu'il y a au-delà. Ou on peut prendre un vieil homme oublié, pour citer un vieil homme qui est au sol quelque part. Donc on va prendre juste une phrase ou plusieurs qui vont nous amener vers quelque chose et qui vont permettre d'implanter des choses dans le bac à sable, en fait, et qu'on va pouvoir avoir le plaisir de développer. Et en fonction du désir du MJ, en fait, la phrase peut être plus ou moins précise, plus ou moins vague, en fait. Le fait de pouvoir tout résumer en une phrase, ça permet de faire des préparations éclairs, et tu sais que tu as des trucs à explorer, et que si tu fais des choses à côté, tu partiras sur l'impro, et qu'il sera plus intéressant d'explorer des choses qui, a priori, sont en lien entre elles. La vraie beauté de fait, c'est que tout le monde peut activer ou contraindre les aspects. Oui, c'est ça aussi. Ouais. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Tu peux expliquer, Bastien ? Fabrice l'a expliqué tantôt, donc un aspect. Ah oui, ok, ouais. C'était autre chose. Et donc, tu peux l'activer pour obtenir un bonus dans l'histoire ou pour activer que quelque chose se passe dans l'histoire. Et de même, tu peux le contraindre pour forcer que le joueur ou le maître de jeu fasse quelque chose dans l'histoire. Tu peux activer ou contraindre l'aspect de quelqu'un d'autre, c'est ça que vous voulez dire? Oui, par exemple, admettons, pour reprendre un exemple qui est classique, qui est donné dans Fate, les joueurs sont dans un hangar, sont en train de combattre des ninjas, parce que on aime bien rire avec ça dans Spirit of Century, quelqu'un met le feu au hangar. Eh bien, le maître de jeu peut utiliser l'aspect en feu, hein, qui est mis sur tout le hangar, sur la zone de combat du hangar, pour rendre le jet d'un personnage plus difficile ou pour l'empêcher de faire une action, donc un personnage du joueur. Eh bien, un joueur peut très bien utiliser cet aspect pour pourrir l'action d'un personnage non joueur, du maître de jeu, ou il peut lui-même l'utiliser pour faciliter son action, par exemple en poussant un ninja dans des caisses en flammes. Peut utiliser les aspects. Sachant qu'il y a des mécaniques, en fait, pour soutenir ce que dit Bastien, pour deviner ou pour trouver, en fait, les aspects de certains PNJ, ce qui va être très intéressant. C'est-à-dire on va découvrir un certain aspect en pouvoir l'utiliser contre l'un des avatars du maître de jeu, ou voire même contre un autre personnage, ou pour, etc. Quoi. Et vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser finalement dans les jeux vidéo aux mécaniques de point and click, où en fait tu peux cliquer sur le décor pour voir ce qui se passe, et je trouve ça vraiment intéressant, et du coup effectivement complètement dans l'idée du bac à sable. Je trouve ça vraiment effectivement, et là, du coup je connaissais pas, hein. Je trouve ça assez stimulant de l'idée de pouvoir cliquer un petit peu sur tout le décor pour voir ce qui se passe. Ouais, Fate, c'est des situations, c'est des choses qui s'opposent en permanence, c'est du ping-pong Fate. Et c'est vrai, enfin, je pourrais citer, je suis pas mal sur la communauté JDR virtuelle, Golgorosh, hein, qui est un meneur très intéressant, mais qui a voulu adapter des scénarios du commerce. Donc, ça marche, hein, il arrive à retranscrire des personnages et tout, mais il n'y a pas cette partie de ping-pong qui se fait, quoi. Parce que c'est pas fait pour, c'est fait pour faire avancer une histoire. Et Fate, au-delà de créer une histoire, c'est plutôt rebondir sur des événements en permanence, comme ça. Juste, je me permets un petit point, parce que tu as dit que Inflorenza ne permettait pas le bac à sable. C'est pas tout à fait vrai, en fait, on peut jouer des bacs à sable dans Inflorenza, à condition justement de préparer un peu plus un contexte. Et par exemple, quand on fait du bac à sable dans Inflorenza, tous les PNJ, effectivement, sont un peu comme dans Fate, hein, mais bon, j'ai lu beaucoup de choses dans Fate qui me font penser à Inflorenza. En fait, quand on crée un PNJ dans un bac à sable à Inflorenza, c'est forcément un PNJ qui est lié à un des traits des persos, quoi. Et par exemple, si on a un perso qui est omnubilé par la corruption, ben on va avoir un PNJ qui va essayer de vendre des matériaux corrompus, par exemple, ainsi de suite. Oui, ça peut dépendre des parties, quoi. J'étais plus sur la proposition de départ qui propose un peu de partir d'or. Ouais, tout à fait, ouais. Il y a un des modules du jeu où effectivement tu prépares du tout de bac à sable. C'est la fameuse troisième voie, je sais pas comment on pourrait un peu l'appeler. J'irais la voie du vide, où tu commences avec rien, ou si peu, et tu t'improvises tellement que bon, il y a aucun contexte prédéfini qui émerge. Quoi. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec cette définition que si c'est de l'improvisation ou trop d'improvisation, c'est pas un bac à sable, mais tout simplement parce que je ne vois pas où est le problème. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas un bac à sable pour vous? Parce que pour moi, un bac à sable, je pense, c'est un terrain de jeu. Tu vois. Imagine un bac à sable, t'as un seau, t'as des accessoires, t'as du sable, t'as peut-être une petite échelle, et tu vas interagir avec, pas forcément de la manière prévue. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a déjà quelque chose. Alors que si Yanor, il n'y a rien, en fait, ben, c'est pas vraiment un bac à sable. Dans la finition, tu joues avec le matos que t'as sous la main et t'essaies de le bricoler un peu. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de... que ça soit un jouet et pas un jeu, qu'il n'y ait pas de manière d'utiliser les éléments qui soient prévus. Que les éléments soient créés au vol ou soient préexistants, pour moi, ce n'est pas ce qui est important dans la définition du bac à sable. Oui, mais tu dois quand même avoir un contexte fictionnel fermé dans lequel tes personnages vont évoluer. Je ne vois pas pourquoi. Je dois l'avoir. Je vois pas ce que fondamentalement ce que ça change. Parce que comme je l'ai dit, sinon les responsabilités qu'ils prennent n'ont aucune valeur. Je n'ai pas du tout la même perception. Je partage. Je comprends, on va dire, le sentiment de Philippe. Et peut-être que sur la partie contextuelle, je lui apporterai un élément de réponse. Je crois que je vais donner un tout petit exemple. Mais si par exemple, t'arrives dans on joue en bac à sable, le MJ décrit que telle population est réduite en esclavage par telle autre. Les joueurs vont s'y intéresser, vont dire bon bah nous on va les libérer. Et du coup, s'ils y parviennent, enfin vraiment, enfin entre guillemets, il y a une implication des joueurs qui est importante, et s'ils y parviennent, ils ont vu concrètement que leur action a changé le monde. Et en fait, si en cours du jeu on improvise, notamment avec des mécanismes de partage des responsabilités narratives, si on improvise qu'il y a effectivement tel peuple qui est opprimé par tel autre peuple, bah finalement le fait de les libérer alors qu'il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes, on n'avait jamais entendu parler de cette histoire d'esclavage. Le fait de libérer le peuple aura peut-être pas autant de saveur. Bon, en tout cas, ce sera une saveur bien différente. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et là où je n'avais pas compris, c'est que pour moi, improviser, c'était le meneur qui improvisait. Pas en responsabilité partagée. Mm-hmm. Et je crois qu'effectivement, passer en responsabilité partagée, ça change tout, effectivement. Tu voudrais dire qu'il n'y aurait pas de... Enfin, dans une responsabilité partagée importante, genre du tour par tour, par exemple, ça serait pas possible de faire du bac à sable, selon toi? Je pense que si, mais comme dit Thomas, c'est une saveur différente. Mais je pense qu'en tour par tour... Tout dépend. Il faut des mécaniques qui permettent de donner une vraie valeur à ce qui a été créé avant, et que, en fait, ça puisse pas être... Que toute la fiction qui a été créée avant puisse pas être détruite d'un revers de main par un nouveau tour de joueur, quoi. Il y a ça, et dans le tour par tour, l'avantage, c'est que les éléments créés vont être recyclés. Chacun va y mettre sa main, et à la fin, ils n'appartiendront plus à personne. Ils seront apparus organiquement. Ouais, à condition que ce recyclage, justement, soit bien fait, c'est pas toujours le cas, en fait. Tout à fait. Ouais. Mais dans le bac à sable, je crois qu'il y a effectivement la partie, les joueurs, l'avantage, c'est les joueurs font ce qu'ils veulent. L'inconvénient, c'est effectivement le risque de perte de sens, qui est là, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, mais qu'est-ce qui est important alors? Ben, c'est ce qui est important pour eux, c'est eux qui doivent le choisir et l'identifier, et on espère qu'ils vont se mettre d'accord entre eux. Mais c'est une question qui pour moi est tout à fait indépendante de l'improvisation du meneur. Qu'il ait préparé quelque chose à l'avance, ou qu'il l'improvise sur le moment, pour moi c'est pas très pertinent dans la définition d'un bac à sable. Ok. Je pense qu'on n'arrivera pas à tomber d'accord. C'était intéressant. On est d'accord. On est d'accord. Ouais, je dis, on peut. La seule préparation, la préparation minimale du MJ, c'est de dire l'espace fictionnel se limite à ça. Si après ça, il n'a rien mis dedans, c'est pas grave. On joue quand même en bac à sable. Ouais, c'est vrai que j'ai fait une campagne vénitienne où effectivement, quasiment une des seules choses que j'avais prévues au départ, c'est que ça se passerait à Venise. Et effectivement, toute la campagne avait vraiment le goût du bac à sable. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est pas un problème. Mais il faut, à mon sens, hein, attention, hein, je dis pas que j'ai la vérité infuse, loin de là, mais il faut, à mon sens, que l'espace fictionnel soit limité, sinon les responsabilités que prennent les aventuriers n'ont pas de poids, n'ont pas d'intérêt. Ouais, je crois, ouais, d'accord. Fabrice, est-ce que tu avais encore des choses à enchaîner sur Fate, ou sinon on va passer au concept? Bon, sur Fate, j'ai dit le plus gros, de toute façon, il y avait pas mal de choses dites avant. Avec ouais, mais je retiens quelque chose que tu as apporté de nouveau, c'est l'approche fractale, et puis le fait de contraindre les aspects et tout, et le fait, ce que ça peut apporter à la scénarisation, c'est vraiment intéressant. Et si ça fonctionne comme tu le dis, je pense que ce jeu n'a pas volé ses lauriers. Ouais, c'est juste, juste pour préciser, ça peut être très perturbant pour DMJ parce que c'est des techniques de scénarisation qui sont complètement différentes de ce qu'on est habitué, typiquement scène 1, scène 2, scène 3, ou même l'intérêt, c'est vraiment pas de raconter des histoires, c'est ça qui est perturbant, quoi. Ouais, c'est de jouer pour voir ce qui va se passer, quoi. Oui, on peut raconter des bonnes histoires, hein, mais c'est pas tout le premier, quoi. Ok. Voilà, alors voilà. Ensuite les concepts. Moi je vais pas présenter concept. J'avais un truc pas super intéressant puis vu le temps. Grosso modo pour les concepts, je vais être un peu cruel, mais vous avez chacun 5 minutes. Non, parce que on est intarissable et je vois le temps qui passe quand même. Donc qui est-ce qui veut commencer? Alors, parce que j'avais noté, on va être un petit peu plus cadré que ça quand même. Philippe, toi, tu voulais nous expliquer comment tu préparais justement tes bacs à sable. C'est toujours d'actualité? Tout à fait. Bastien, tu voulais nous parler des relations entre les différents éléments du bac à sable. Oui, tout à fait. Comme je n'ai que 5 minutes, je ferai la distinction entre une relation qui est naturelle et une relation qui est forcée. Ok. Laurie, de quoi tu voulais parler? D'improvisation. Improvisation. Ok. Fabrice. Alors moi, c'est campagne d'Estan. J'ai beaucoup de choses à dire, mais il faudrait me concentrer sur comment lier les éléments d'un bac à sable, en fait. Alors comment que ça a un sens. Je pense que c'est un peu redondant avec ce que dit Bastien. Donc vous ferez du ping-pong tous les deux, je crois. On fera du ping-pong. On fera du ping-pong. Okay. Ok, on va commencer par du moins préparé au plus préparé. Donc Laurie, tu vas d'abord nous parler de l'improvisation. Ensuite Philippe nous parlera de sa méthode de préparation, parce qu'il me semble que c'est plutôt une méthode de préparation légère. Et puis on approfondira après avec Bastien et Fabrice. Donc Laurie, tac, c'est parti, improvise. Ok, pas de problème. Sur différents sujets de bac à sable. Ça parlait beaucoup de préparation et d'improvisation. Et pour moi, l'improvisation, elle est toujours préparée. Alors, c'est juste. On peut peut-être citer, il y a un bouquin d'ailleurs qui s'appelle Never Unprepared qui vient de sortir en anglais là, sur l'improvisation. Ah, ouais. En fait, tu réagis. C'est Unframed qui vient de sortir. C'est Unframed qui vient de sortir, exactement. Ah oui, l'autre il est peut-être plus vieux alors. Never Unframed, c'est sur les méthodes de préparation de jeux de rôle. Ah, d'accord, je dis n'importe quoi en fait. Et Unframed qui vient de sortir, il sort en PDF demain, je crois. Demain ça n'a aucun sens pour le podcast. Oui, 2014. Lui, c'est vraiment sur l'improvisation. Voilà. Ok. Ouais, Laurie, donc après cette petite parenthèse. Comment il me bouffe mes 5 minutes. Bon, en fait, je vais faire court. Lisez les deux bouquins. Il y a l'air d'avoir tout dedans. tu réagis toujours avec les outils dont tu disposes. Donc, si tu dois improviser sur du Medfan, c'est tes connaissances de romans, de films qui vont te permettre de réagir, en fait. Tu n'inventes pas tout. Et en fait, pour moi, le bac à sable, c'est juste une préparation d'outils pour improviser la partie qui va arriver. Donc, il y a de la préparation, mais à partir du moment où tu ne sais pas comment tes opportunités, j'aime vraiment ce terme que tu as utilisé, vont évoluer, et ce que vont en faire les PJ, si d'ailleurs ils ont la possibilité d'en faire quelque chose, alors tu vas réagir à leurs initiatives avec tes outils, tu vas rendre tes outils vivants, c'est ce qu'on appelle l'improvisation, mais elle est totalement préparée. C'est pour ça que des trucs comme Dogs, on dit le MJ doit énormément improviser, mais il doit aussi énormément préparer. Et moi, le bac à sable, c'est juste de la préparation. Tu prépares les intentions des personnages à fond, quoi. Tu prépares toutes les tensions qu'il y a entre les différents personnages. Tu peux pas improviser un village comme ça, quoi. Et dans les outils que tu as, tu peux avoir des outils en fait fictionnels. Avec à tel endroit il y a une maladie qui se déclare, à tel endroit il y a autre chose et tel truc, mais tu peux avoir aussi des outils mécaniques, un système qui va t'aider à improviser. C'est le cas d'Apocalypse World, c'est le cas d'autres systèmes, Unmighty Sioux, tu commences par créer une carte, quoi, et après tu vas improviser sur la carte. Mais tu joues dans un univers Sword and Sorcery, si tu y joues, c'est que tu as déjà des connaissances dedans. Donc voilà, pour moi, l'improvisation, elle est toujours préparée. C'est tout. Eh ben justement, Philippe voulait nous parler de préparation. Et ça s'enchaîne super bien. Donc effectivement, comme on a pu le comprendre avec les positions que je défendais, j'improvise pas mal. Parce que la question, c'est comment ne pas préparer des choses inutiles qui seront... comment ne pas jeter 90% de son travail. Donc il faut pas trop préparer, il faut préparer juste les bonnes choses. Alors... Tu noteras que j'imagine que même si ta préparation est légère, tu en jetteras quand même 90%, hein, vu qu'on est dans un bac à sable. Sur une séance, oui. Sur une série de séances, de moins en moins. Parce que le truc, c'est de préparer des éléments que tu peux recycler et resservir les mêmes plats aux joueurs sans que ça soit pour autant négatif pour la partie. Hein. Faut pas ouais. Prendre un scénario et le refiler chaque fois voir le petit vieux qui vient « Hey, ma mission !» Non. Enfin bref, il faut préparer les éléments qu'on va être sûr que les joueurs vont rencontrer. Hein, s'ils ont annoncé, on va aller voir le duc machin ou le seigneur des rats. Ben il faut qu'ils soient prêts. On peut préparer des choses génériques, des auberges, des aubergistes, des petites misères qu'on peut caser n'importe où, comme tu disais, des éléments flottants qu'on peut servir au moment opportun. Ouais, si tu me permets, dans Arbre, en fait, les post-it du MJ, ça constitue un deck, et en fait, il récupère d'une partie à l'autre, il peut garder le même deck de post-it, qui lui permet justement de recycler les éléments qu'il a encore pas utilisés, quoi. Tout à fait, tout à fait. Alors, comment est-ce que je choisis les éléments que je prépare? En fait, c'est tout simple. Je fais un petit tableau ou une petite carte avec les personnages, et je regarde où ils sont. Est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils feraient? Et ça me dit tout simplement ce qu'il faut préparer avec plus de détails. Et c'est bien simple, un personnage, il a un endroit à un moment donné, il peut pas, dans une séance de jeu, raisonnablement, s'ils ont un comportement habituel, aller plus loin que tel endroit. Donc je vais préparer avec pas mal de détails ce qu'il y a autour dans leur environnement immédiat, et puis plus on s'éloigne du personnage et de la trajectoire qu'il semble tracer, moins on prépare. Et je fais un peu la même chose en prenant compte des joueurs, parce que les intérêts des personnages dans la fiction ne sont pas nécessairement subordonnés pas exactement aux intérêts des joueurs, donc ça peut être intéressant de considérer les joueurs aussi. C'est assez important de prendre des notes en cours de jeu de la manière dont les joueurs réagissent à certains éléments, etc., pour voir ce qui les intéresse. Par contre, je délègue tout ce qui est prise de notes sur la fiction aux joueurs et je leur demande de me faire un résumé selon les tables. C'est un joueur différent chaque fois, c'est celui qui veut. C'est vrai que les résumés là, dans les campagnes Bacassab, c'est assez crucial. Hein, parce que c'est crucial. Quand tu fais réintervenir un PNJ 3 séances plus tard et que tu te rappelles plus comment il s'appelle. Ouais. Voilà. Et alors, là, on arrive à un point qui est très important dans le bac à sable, et Bastien l'a souligné tout à l'heure, c'est le risque de s'enliser dans les détails, dans les intrigues, dans les intentions, dans les, tous les problèmes qui sont accumulés. Donc, une part importante de la préparation, c'est qu'est-ce que je vais élaguer ? Qu'est-ce que je vais passer sous silence, parce que ça fait deux séances qu'on n'en parle plus et tout le monde oublié et tout compte fait, ça n'intéresse personne. Qu'est-ce que je vais bidouiller pour que ça puisse se résoudre correctement et que ça ne pèse pas sur la fiction ? Ça, c'est assez important de savoir ce qu'on veut élaguer. Alors, je vais terminer en disant les éléments que je prépare. Une chose que j'aime bien préparer en début de bac à sable, c'est une palette de descriptions avec du vocabulaire, des noms pour les personnages, qui va permettre de donner une saveur pour cette table, pour ce jeu-là. Donc avec les couleurs que je vais utiliser pour décrire, les odeurs, comment sont les bâtiments. Ça tient sur une page ou deux, hein, y a pas grand chose, mais ça me permet vraiment de me remettre dans l'esprit du lieu ou du moment ou de l'intrigue à ce moment-là. Ce que je regarde aussi à préparer, et je m'arrête juste après ça, c'est au niveau du rythme. Sur quel personnage a bénéficié du projecteur ? Qui était sous les feux de la rampe ? Qui était un peu ignoré ? Est-ce qu'on a fait plutôt de l'action ? Est-ce qu'on a fait plutôt du calme pour essayer d'avoir des choses qui sont plaisantes et pas lassantes ? Voilà, je crois que c'est l'essentiel de ce que j'essaye de préparer. Évidemment, je prépare des lieux, des PNJ, des décors, des événements, mais sans nécessairement les lier à une intrigue. Parfois des scènes, parfois des dialogues, mais c'est toujours flottant. Ça viendra au bon moment, ce sera peut-être dit par un personnage ou par un autre, des choses comme ça. Si je peux me permettre pour compléter, hein, oui. Il y a sur PTGPTB, il faudrait que je recherche, mais il y a un article qui s'appelle « La méthode de la préparation en 3x3 ». Grosso modo, je crois de tête, tu prépares 3 lieux, trois factions ou trois personnages et puis trois objets et puis tu essaies d'imaginer les liens entre et puis grosso modo ça te fait 9 éléments pour commencer et puis avec ça déjà tu peux rouler une séance tranquillou quoi. Voilà. Le problème c'est que moi en général je joue des campagnes longues, j'aime bien les formats longs et donc après quelques séances tu as une fiction qui est déjà bien établie et que tu dois respecter et donc tu vas préparer en fait, tu vas souvent consolider des choses qui ont été mentionnées dans la fiction, et puis on va s'y intéresser, et tu prends la base qui était improvisée en jeu pour la préparer pour la séance suivante. Ouais, en effet. Une autre méthode d'improvisation que j'aime bien, et qui me paraît compatible avec le bac à sable, c'est la méthode du donjon en 5 pièces qu'on trouve sur le blog du MJ. C'est pareil, je vous la mettrai dans les liens. Qui grosso modo dit que n'importe quelle aventure peut être résumée en un donjon, surtout un bac à sable, c'est une sorte de donjon hein, souvent. En fait, il y a en fait 5 types d'épreuves, 5 types de pièces dans un donjon, avec un type d'épreuve différent. Il y en a, c'est des épreuves, des défis de roleplay, des épreuves intellectuelles, un obstacle à franchir, un ennemi à abattre, un trésor, ainsi de suite. Et qu'en fait, à partir de cette méthode de donjon en 5 pièces, bon, on peut déjà très facilement improviser un donjon, mais je pense qu'on peut improviser n'importe quel type de décor non donjonesque. Tu peux improviser n'importe quel type d'événement en fait grâce à ce donjon en 5 pièces. Ouais. Et alors, c'est très élégant. En fait, si tu regardes bien, les noms c'est l'épreuve, la confrontation, le retournement de situation, machin chose. Et donc en fait, tu caractérises des types de scènes. C'est les 5 grands types de scènes. Ouais, que tu peux facilement placer dans un donjon, dans un bac à sable ou n'importe quel scénario en fait. Alors du coup, C'est toute cette préparation, le plus important, c'est de ne pas protéger ce qu'on a fait, de ne pas le sacraliser. Si les joueurs ont envie soit de ne pas s'y intéresser, soit de le démolir, ben c'est leur liberté, c'est un bac à sable, c'est pas un scénario. Il n'y a pas de PNJ important ou de lieu important. S'ils ont envie de faire des choses qui ne vont pas avec la préparation, ben c'est eux qui ont raison, pas la préparation. Ouais, ça veut aussi dire que tes PNJ ne sont pas sacrés, ils doivent pouvoir mourir. Tout à fait. Par exemple, dans Millevaux, la devise, c'est rien n'est sacré. Hein. C'est écrit plusieurs fois dans le bouquin. Et au contraire, s'ils ont envie de sauver un élément que toi, tu avais décidé de détruire, ben, il est sauvé. Ça peut être tout aussi déstabilisant. Ouais, voilà. Ne rien sacraliser. C'est, effectivement, ça ne rien paraît, sacraliser, très je suis bien important. D'accord. Mais j'ai juste quand même un mot à dire. Il ne faut pas oublier que... Donc, quand je dis qu'un bac à sable... ne bouge qu'à cause des responsabilités que prennent les personnages. Ces responsabilités doivent faire plaisir aux joueurs. Et dans le plaisir des joueurs, je considère que le maître de jeu est aussi un joueur, il a le droit de se faire plaisir. Donc si le maître de jeu, à un moment donné, a envie de ramener par la bande un arc narratif qui a été délaissé par les joueurs parce que cet arc lui plaît et qu'il se dit « Ah ben tiens, maintenant je le ramènerai bien parce que ça ferait un chouette effet », il a le droit de le faire. Oui, on recycle. Oui, voilà. C'est du recyclage, mais c'est du parce que le maître de jeu a le droit de se faire plaisir aussi. Et donc c'est vrai que rien n'est sacré, tout peut être cassé dans un bac à sable, mais si le maître de jeu à un moment a décidé « Ah ben cette tour-là, finalement, je veux quand même la sauver » parce que c'est un intérêt pour moi pour me faire plaisir, il a le droit de le faire. Maintenant, si les joueurs s'y prennent une deuxième fois pour la casser, là, à ce moment-là, il faudra quand même bien qu'ils la battent. Mais je crois que c'est très bien vu ce que tu dis là, Bastien, parce que quand on fait du bac à sable et du jeu de basse, justement, on peut avoir effectivement tendance des fois à finalement un peu trop négliger ses plaisirs de MJ. Du coup, bah justement, on passe à la préparation. Non, la préparation c'est vu. Mais Fabien et Fabrice, vous vouliez, si j'ai bien compris, vous passez un peu plus de temps qu'une demi-heure avant chaque partie pour préparer, et notamment vous approfondissez les relations entre les personnages, les lieux et les événements. Je vais commencer si tu veux bien, Fabrice. Pas de souci. Moi, c'est un peu particulier, donc je vais plutôt préciser après ce que tu auras à dire. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tantôt, donc pour moi, les relations, c'est les engrenages d'un moteur. Il faut que ça s'embrique bien les uns dans les autres. Et plus on va multiplier ces engrenages, qui doivent être bien huilés, plus on va donner de la puissance à son moteur. Et donc, on va vraiment avoir un bac à sable qui va être très dynamique dans un sens comme dans l'autre. Alors, moi, je fais une distinction entre deux types de relations dans la préparation du bac à sable. Il y a toutes les relations qui sont naturelles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous posez un événement, un lieu ou un PJ à un endroit et qu'on lui donne de l'historique, etc., il va se mettre naturellement en relation avec d'autres choses qui sont liées à cet événement, cet historique, ou les éléments dans lesquels ils sont posés. Donc ça, ce sont les relations naturelles. Normalement, il n'y a, pour ainsi dire, pas besoin de les décrire parce qu'elles font partie du contexte. Elles viennent d'elles-mêmes et c'est un petit peu le liant qui va donner de la cohérence au bac à sable dans lequel on évolue. À côté de ça, il y a les relations forcées. Ça, ce sont des relations que le maître de jeu va créer de manière à relier entre eux les éléments du bac à sable pour que ce bac à sable soit quelque part un labyrinthe de responsabilités que les joueurs vont pouvoir choisir. Donc là, j'ai quelques exemples que j'aime bien utiliser, moi, quand je construis un bac à sable. Donc la première chose, c'est les rencontres aléatoires. C'est un outil qui a été longtemps décrié, mais c'est quelque chose qui, moi, j'estime être extrêmement utile. Pourquoi ? Parce que, un, dans les terres barbares, les rencontres aléatoires dépendent de la zone dans laquelle se trouvent les personnages. Donc, si les personnages sont dans la passe des herbes bleues, ils ne vont pas avoir les mêmes rencontres aléatoires que s'ils sont dans la plaine de la Sinuante, sur les hauts des Centaures, dans les collines nues ou dans les montagnes de cristal. C'est très important parce que ça permet de donner une saveur à ces endroits-là, mais en plus de ça, ça permet aussi d'introduire des tas d'endroits intéressants. Et par exemple, dans les montagnes de la Lune Mauve, il y a une rencontre aléatoire qui sont des sangrelins qui ont un tatouage, qui sont extrêmement importants parce que ces sangrelins gardent un temple et un lieu de pouvoir très important dans les terres barbares. Si ces sangrelins n'étaient pas dans les rencontres aléatoires, eh bien, les joueurs pourraient errer pendant 20 ans dans les terres barbares sans jamais à entendre parler de cet endroit-là. Et donc, cette rencontre aléatoire est un des trois éléments qui lie ce lieu, ce temple particulier, au bac à sable. Ici, c'est une relation qui est forcée. Le lieu est indépendant, il est un peu caché, il est un peu oublié, donc j'ai forcé des relations. Une autre relation par rapport à ce lieu-là que j'ai forcé, c'est que je l'ai mis dans une rumeur. Alors, les rumeurs, c'est un autre truc qui est, à mon avis, quelque chose d'extrêmement intéressant à utiliser dans les bacs à sable. C'est-à-dire que quand vos personnages arrivent dans un nouvel endroit, surtout quand on est dans un univers médiéval fantastique ou médiéval, ou en tout cas dans lequel la technologie, les technologies de communication ne sont pas très avancées, quand ils arrivent dans un endroit, un des réflexes naturels de la population locale est de leur demander qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez rencontré sur le chemin. C'est normal, les gens n'ont comme source d'information que ça. Et donc, en retour, les joueurs vont vouloir s'informer sur ce qui se passe dans le coin, et là, ils vont entendre les rumeurs. Bien, les rumeurs sont très importantes pour aiguiller, pour hameçonner, pour présenter des hameçons aux joueurs. C'est la base de Dogs in the Vineyard. Quand t'arrives dans le village, il y a un mec qui te saute à la gueule pour te dire « Oui, dans le village, il y a tel problème, machin est une sorcière, truc couche avec sa sœur, et puis machin, bah, sa femme, il faut absolument que vous fassiez quelque chose. » Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un recours scénaristique qui avait un peu étonné mes joueurs, parce que quand ils sont arrivés dans le quatrième village et qu'ils se sont dit « Mais pourquoi est-ce que chaque fois qu'on arrive dans un village, les gens nous racontent toute leur merde ?» Ben parce qu'ils ont envie que, d'un autre côté, vous leur racontiez toutes les merdes que vous avez rencontrées, parce que c'est les nouvelles de l'extérieur, c'est comme ça qu'eux se rencontrent. Et voilà. Et donc, et c'est normal. Et c'est un recours scénaristique extraordinaire pour amener des histoires dans le pour entretenir le moteur. Et tout ça est forcé. Pourquoi ? Ben parce que on va choisir où on place telle rumeur de manière à montrer des hameçons en fonction de ce qui est déjà disponible dans les relations naturelles. Donc c'est un complément aux relations naturelles qui permettent d'hameçonner d'autant plus les personnages. Et c'est ça qui va rendre l'univers riche, cohérent, qui va rendre l'univers vivant aussi par rapport à ça. Donc tu avais les monstres errants, tu avais les rumeurs, et tu as un troisième lien. Oui, tout à fait. Le troisième type de relation forcée, c'est la relation forcée qui se base sur un fusil de Tchekhov. Je ne sais pas si tout le monde voit c'est quoi un fusil de Tchekhov. Donc c'est pas du luxe que tu redises, ouais. Voilà. Donc c'est un petit détail dans le décor qui va revenir plus tard dans l'histoire et montrer toute son importance. Et donc, sans vouloir déflorer un des gros fusils de Tchekhov qui se trouve dans les terres barbares, donc il y a un endroit, une tapisserie qui représente, une tapisserie, comme tu dirais, une tapisserie des gobelins qui représente une espèce de d'histoire sur un endroit. Enfin voilà, donc la tapisserie est suffisamment extraordinaire en elle-même pour que évidemment on s'y intéresse. Et en fait, cette tapisserie va montrer un certain nombre d'endroits qui existe dans les terres barbares. C'est une tapisserie en fait qui a été faite du temps du Centauri, donc elle est extrêmement vieille et qui montre la géographie du Centauri à l'époque et qui donc va placer les villes principales du Centauri et donc dire aux joueurs ah bah tiens les villes du Centauri, les ruines du Centauri elles sont là. Maintenant il faut encore la trouver cette tapisserie, il faut encore l'interpréter etc. Mais sur cette tapisserie il y a un petit détail qui est on y voit un endroit qui est le même endroit que le cercle sacré des centaures. Donc centaure est une des tribus barbares des terres barbares. Eh bien, cette relation forcée permet aux joueurs de s'intéresser, s'ils ne l'ont pas encore fait, au cercle sacré des centaures, et en plus de ça, ça leur explique un certain nombre de choses par rapport à l'univers, chose que je n'ai pas envie de déflorer, pour ça il faut jouer dans les terres barbares. Et j'ai fini. Du coup, Fabrice, je pense que tu avais quelque chose à ajouter ou c'était autre angle d'attaque Complètement. Je vais reprendre cette histoire de fusil de Tchekhov. Je trouve que c'est une bonne perche qui m'a tendu Bastien. Comment dire ? Donc, STRN, la plupart connaissent ici, je suppose, est un univers qui s'inspire un peu des ambiances celtiques chez l'Antiquité. On retrouve un peu l'apparition de la religion monothéiste au Moyen-Âge. Enfin, c'est une espèce de monde médiéval qui est un melting pot de beaucoup de choses et qui est très intéressante parce qu'on a affaire à des factions qui ont chacune une vision différente de voir le monde et surtout une vision différente de pratiquer la médecine, de se résoudre de situations, de survivre dans certains endroits, etc. Et moi, ce que j'ai fait à mes joueurs, en fait, j'avais envie d'un gros bac à sable, leur laisser une liberté totale au niveau de la cohérence de groupe. Et je l'ai fait en imposant de base. Allô, Fabrice? Oui, je l'ai plus non plus. Ah, on a perdu Fabrice. Ah bah bon, Ouais, on je suis a désolé, perdu on Fabrice. va poursuivre sans lui, hein. Du coup, on va passer à la synthèse, et puis bon bah s'il revient, il nous refera son speech, hein. Voilà, c'est les joies du direct, hein. Donc la synthèse, on va refaire, je crois qu'on va refaire dans le même ordre, ça va être plus simple. Laurie, qu'est-ce que tu voulais bon, là on va faire speed, hein. C'est vraiment juste quelques phrases parce qu'on a déjà allègrement dépassé les 3 heures de podcast. Laurie, est-ce qu'il y a des choses importantes que tu n'as encore pas eu l'occasion de dire? Un peu, quelle est ta liste au Père Noël pour les concepteurs de bac à sable? Alors pour les concepteurs, Pour les MJ, hein, n'importe, hein, oui. Ma liste au Père Noël, ce sera grâce à vous, là, j'ai eu les éléments manquants pour terminer mon article sur le bac à sable. Je te mettrai un lien Ah oui, bah super, on mettra sur le avec le sujet. podcast. Ouais. Voilà, après j'ai trop de trucs à dire pour torcher ça en 1 minute. Ok. Bon, n'hésite pas à réagir à ce que vont dire les autres alors. Ouais. Philippe, qu'est-ce que tu mettrais dans ta liste au Père Noël? Moi, je voudrais d'autres jeux orientés bac à sable parce que je suis impatient de lire Oldtray. Je l'ai acheté, mais je l'ai prêté à un copain et donc je ne l'ai pas encore lu. Apocalypse World m'a appris quand même un ou deux trucs en termes de bac à sable et je suis toujours ravi d'apporter des techniques qui permettent de faire des parties plus plaisantes avec plus de certitude. Voilà, mais je n'ai pas d'éléments précis, je ne sais pas où sont mes lacunes, probablement. Ok, Bastien, l'intéressable Bastien, t'as peut-être, qu'est-ce que tu aurais dans ta liste au Père Noël? Oh ben moi dans ma liste au Père Noël, j'ai Freeplane, hein. C'est donc un programme pour faire des cartes mentales. Je pense que la seule chose qui soit plus Ah, puissante que carte Freeplane. mentale qu'on appelle aussi mind mapping, hein, C'est ou ça, oui. schéma heuristique. Voilà, donc la seule chose qui peut être plus puissante qu'une carte mentale pour organiser un bac à sable, c'est un diagramme relationnel. Mais voilà, je pense que la liste au Père Noël, c'est ça. Et puis, je pense surtout, c'est faites-vous plaisir. La première étape d'un bac à sable, c'est de fixer l'espace fictionnel dans lequel tout le monde va évoluer. Et puis après ça, il faut se faire plaisir, quoi. Il n'y a plus vraiment de règles, comme je l'ai dit, c'est le travail minimal. Une fois que c'est fait, lancez-vous et jouez, parce que de toute manière, le plaisir est dans le jeu, dans la prise de responsabilité, dans les choix difficiles à faire. C'est ça le sel du bac à sable. Le sel du bac à sable, c'est pas nécessairement découvrir toutes les finesses que le maître de jeu qui a pris le temps de construire le bac à sable a mis dans son bac à sable. Il les a mis pour se faire plaisir à lui, mais le plaisir du bac à sable, c'est de jouer ensemble et de créer ensemble une histoire qui est pleine d'opportunités qui sont prises, qui sont abandonnées, qui sont délaissées et de responsabilités qui sont, elles, prises, assumées et parfois trahies. Et je pense que cette approche du jeu, elle justifie complètement en fait les univers de jeu qu'on des fois on peut reprocher à un jeu comment ça se fait qu'il y a 300 pages de background et tout, c'est imbouffable et tout. Mais souvent les univers comme ça avec beaucoup de background, c'est justement des univers qui ont été conçus par des mecs fans de bac à sable, et on sent justement le fait que ce soit foisonnant, c'est pas gratuit. Le mec qui a écrit l'univers, il sait très bien que tout ne sera pas exploité, mais il est là pour apporter un maximum de choses en suspens, de choses qui soient vivantes, pour que après la table puisse piocher dedans à loisir, quoi. Je pense que je te rejoins. Je pense que les gens qui écrivent des univers sont des gens qui, fondamentalement, à mon avis, aiment bien jouer en bac à sable. Probablement plus qu'en scénario. Et d'ailleurs, c'est probablement pour ça que la plupart des scénarios, les scénarios d'introduction qu'on trouve dans beaucoup de livres de jeux de rôle sont mal écrits, surtout s'ils sont pas écrits par l'auteur du jeu de rôle. À la limite, un conseil qu'on pourrait donner, c'est de demander à quelqu'un d'autre d'écrire le scénario d'introduction pour votre jeu de rôle. Il sera certainement mieux réussi que si vous l'écrivez vous-même. Par contre, je pense qu'on, à l'heure actuelle, la plupart des jeux de rôle en 300 pages, dans lesquelles il y a au moins 100 ou 150 pages de background, présente le problème de l'organisation de l'information. L'investissement nécessaire à acquérir les connaissances pour se lancer avec la certitude, comme le disait Philippe, d'amener une expérience de jeu qui soit fidèle à l'univers et qui soit en plus plaisante, pour toutes les personnes autour de la table, et toutes les personnes autour de la table, ça veut donc dire le MJ. Hein. Je pense que souvent on oublie que c'est un joueur qui a besoin de s'amuser à une table de jeu de rôle aussi. C'est pas seulement un chef d'orchestre comme on l'a longtemps présenté, qui est tout seul derrière son écran. C'est quelque chose qu'on devrait, qu'on pourrait bannir et qu'on peut bannir quand on fait du bac à sable bien structuré. Ou bien improvisé. Mais donc, je pense que là, il y a un problème d'accès à l'information et qui est vraiment quelque chose de difficile. Et je pense que la plupart des suppléments de jeux de rôle un peu mythiques comme La France pour Hawkmoon ou d'autres se caractérise par le fait que toutes les informations qui se trouvent dedans sont facilement accessibles. Et donc, si vous jouez et que vous avez besoin d'une information sur l'histoire de la Camargue en moins 600, vous la trouverez en 30 secondes. Si vous avez besoin de savoir qui est une des personnes importantes en Aquitaine, à ce moment-là, vous la trouverez en 30 secondes aussi. Et qu'il y a beaucoup de gros bouquins de jeux de rôle où l'information est très très mal structurée et difficilement accessible. Et ça, c'est un problème, je pense. Je ne peux qu'abonder dans ton sens. Quand on a un mauvais bouquin de jeu de rôle comme ça, c'est plus de travail de faire sa préparation en utilisant ce qui était déjà écrit que d'inventer quelque chose. Le souci aussi, excuse-moi, je suis dans une petite coupure. Souvent, les livres doivent être agréables à lire, en fait. Et j'ai envie de dire... L'information la plus accessible, c'est quand c'est chiant à lire. C'est-à-dire, c'est quand on a un manuel, quand c'est chapitré, quand c'est détaillé, quand c'est limite, un mode opératoire à suivre. Alors, effectivement, c'est très accessible, mais c'est pas agréable à lire. Quand on prend une base comme Masteren ou comme n'importe quelle base qui sort en ce moment, on essaie de romancer, de mettre des dialogues, de mettre de l'ambiance. Et en fait, c'est là où on perd en visibilité. Et à un moment, il faut choisir entre les deux, je pense. Ouais, je veux bien réagir à ça. Oui, Laurie. Ouais. Gros fan de 5 anneaux, hein, même si j'ai démonté avant. L'information, elle est quasi inaccessible dans les bouquins de 5 anneaux. Parce que j'ai toujours considéré ça comme un moyen de le cacher aux joueurs et que seul le MJ qui allait se faire chier à bouquiner et à plancher tous les bouquins allait finalement arriver à avoir le cœur de l'univers, les secrets de l'univers, alors que le joueur qui prendra le truc en boutique et qui regardera les chapitrages, il verra pas le truc important, il pourra pas faire le lien, parce que la plupart des informations vraiment tripantes, elles sont cachées dans plusieurs bouquins. Ouais, une sorte d'hermétisme assumé, quoi. Alors, c'est comme ça que je le perçois, après c'est peut-être juste très mal écrit, mais... Enfin, je pense quand même malgré tout qu'il est fait pour ça. Et je vais juste enchaîner sur Dark Sun, qui est un univers pour AD&D 2, qui détaillait toute une carte avec des villes, des plein de trucs, j'ai envie de dire ultra bateau, une description géographique de l'univers. Et je me suis toujours dit, mais je vais jouer quoi là-dedans? Et il y a une série de romans, bon, pas transcendants, mais qui est de 5 romans, et les 5 romans décrivent tous les secrets de l'univers, et je me dis que des fois, pour décrire un univers de jeu de rôle, faut pas faire, à moins que ce soit vraiment bien organisé, comme tu l'as cité, mais un roman, ça peut suffire, puisque de toute façon, si c'est pour en faire du bac à sable, autant s'appuyer sur un roman. Ouais, ouais. Alors, moi, j'ai juste une remarque, Laurie, par rapport à... j'écris mon livre de manière hermétique pour cacher les secrets aux joueurs. Tu crois que c'est encore une méthode d'écriture valable à l'heure des forums, des réseaux sociaux et de Twitter ? Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient allées creuser tous les secrets des cinq anneaux, tellement tellement ils sont cachés. Je vais donner juste un exemple comme ça. J'ai eu une période où, et d'ailleurs toujours à l'heure actuelle, où j'étais uber fan de Tolkien. Quand je suis allé en Irlande, j'avais pas grand-chose d'autre à faire de mes week-ends que de lire Tolkien dans la langue natale. Et à l'heure actuelle, quand je me pose une question sur Tolkien, je vais pas retourner dans un des bouquins de Tolkien pendant 4 heures. Je vais sur des communautés, je pose ma question et j'ai une réponse 4 fois plus détaillée que ce dont j'aurais jamais besoin 2 heures plus tard, quoi. Mais heureusement, les gens pas là pour elles 5 heures. Ben oui, tout à fait. Je pense qu'à l'heure actuelle, si tu veux avoir une réponse sur un secret de l'univers, tu poses la bonne question sur le bon forum ou sur le bon réseau social, ouais, là où se trouvent les... En fait, ça ne soustrait rien à l'aspect hermétique de la chose, je pense. Parce que quelque part, il faut quand même, tu restes un initié en fait en faisant ça. Bah, je vais quand même abonder dans le sens, effectivement, les dernières versions qui reprenaient la storyline d'après. Balancer les trucs cash, ils ont fait beaucoup moins de suppléments et en mettant tout dans le même, ils ont explicitement dit les secrets et les tensions qu'il y avait, alors que de choses qui se tramaient et que j'ai découvert en filigrane dans un paquet de suppléments sous des formes très très variées. Je vais faire une comparaison qui est très osée, mais c'est un petit peu les gros bouquins de jeux de rôle pour moi aujourd'hui, et j'ai quasi 40 piges, pour moi c'est comme enfiler un syllabus à l'université. Si tu veux véritablement pouvoir l'utiliser par après pour réussir ton examen qui va être ta partie de jeu de rôle ou ton bac à sable, tu dois dépioter ton syllabus, faire tes notes, faire tes résumés, faire tes propres schémas et étudier véritablement la chose de manière à pouvoir la restituer et l'utiliser de manière cohérente et pour rendre un univers qui est vivant. Tout ça parce que t'as un gros syllabus. Et puis alors à côté de ça, donc quand je regarde les syllabus que moi j'ai eu quand j'étais étudiant en géologie, et puis maintenant quand je regarde parfois, quand je vais voir les syllabus qui existent dans les universités anglo-saxonnes et des trucs prestigieux, hein, Harvard, Birmingham, etc., tout ça maintenant est disponible sur le net, et que tu vois que ce que moi j'ai étudié en quasi 200 pages, eux te le résument en 15 pages, et qu'au bout des 15 pages, il y a autant d'informations dans les 200 pages que j'avais, mais au lieu d'avoir une information qui est, décryptée jusqu'au moindre iota, tu as une information qui va vraiment directement aux choses qui sont importantes, avec évidemment une bibliographie derrière, si tu veux acquérir, mais surtout, tu as un résumé à l'entrée, tu vas directement... au lieu d'avoir des textes continus qui essayent de faire de la littérature, tu as des listes de choses importantes à résumer, des phrases qui, en 3 lignes, t'expliquent des trucs qui sont un peu complexes. C'est sûr que c'est une phrase, il faudra la lire 3 fois pour l'avoir lue. Mais quand tu auras fait l'effort de la comprendre, putain, tu l'as comprise, quoi. Et ça va quand même beaucoup plus vite que de se retaper 15 pages pour comprendre la même chose qui a été décrite et qui a été mâchée parce qu'on te l'a décrite et qu'on te l'a remise en contexte, etc. Enfin, tu vois, c'est des approches qui sont différentes. Je pense que le meneur de jeu, enfin, moi, il me semble que le meneur de jeu, il a besoin d'informations concises. Alors, l'un ne va pas nécessairement sans l'autre parce que je sais bien qu'à l'heure actuelle, le marché du jeu de rôle, c'est 90% de lecteurs pour 10% de meneurs. Et encore, on est probablement beaucoup plus près d'un 98 ou d'un 99%. Donc c'est clair qu'il faut des choses qui sont romancées, des textes qui sont bien balancés, qui vont prendre le lecteur et qui vont l'amener dans un univers et qui vont faire fonctionner son imaginaire, et que c'est quelque chose d'important pour le jeu de rôle. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas, à la fin des choses importantes, un résumé en 15 lignes qui reprend tous les points super importants qui, le jour où le maître de jeu maîtrise et qu'il a besoin de savoir qui est le chef de telle ville, ah ben paf, voilà, je vais retrouver ma petite fiche et hop, je l'ai en 30 secondes, quoi. Alors, les deux, oui, je suis d'accord. Juste le résumé, ça ne me sert à rien de savoir qu'un tel est chef du clan. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment il est devenu chef de clan ? Pourquoi il est devenu chef de clan ? Qui y avait avant ? Et qu'est-ce qu'il va faire en tant que chef de clan ? Et tout ça, j'ai besoin de l'avoir en tête quand mes joueurs ils vont arriver dans ce village avec ce chef de clan. Je m'en fous d'un nom. Si c'est juste pour mettre un nom, je prends l'annuaire. Non, mais là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurie. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre ça dans, en deux pages, alors que une fiche de personnage en 10 lignes peut te raconter tout ça? Non, elle peut te le raconter, elle peut pas te le faire sentir, et c'est ce que c'est ce que tu vas essayer de faire passer à tes joueurs. Ouais, si tu prends un exemple, si on dit qu'un tel veut se venger de quelqu'un qui a massacré sa famille, tu peux le dire en une ligne. Mais si au lieu de ça, tu fais un texte littéraire à peu près bien écrit, qui explique dans quelles circonstances c'est arrivé, pourquoi, et en donnant des détails et en montrant bien ce que ressent le mec, là, en tant que MJ, t'as beaucoup plus de matos pour le jouer. De toute façon, bon, quand il y a de la quantité, sauf si c'est vraiment de la quantité merdique, et ça existe. Hein. Par exemple, des univers où on commence par te balancer 200 pages d'historique qui n'ont aucun impact sur ce qui se passe après. Mais si on peut avoir de l'info littéraire, si elle est pertinente, la quantité peut quand même apporter quelque chose. Quoi. Ah, mais je ne suis pas contre la quantité, je dis juste que quand le maître de jeu est à sa table de jeu, il a besoin d'avoir des résumés pour avoir accès à l'info. Combiner les deux, ça me paraît une excellente chose. Ouais. Voilà, et donc en effet, si en une ligne il peut lire « Ah oui, c'est un tel qui a tué sa famille » et que ça lui fait revenir le texte de 2 pages qu'il a lu sur comment ça s'est passé, dans quel contexte et dans quelle ambiance, et que ça lui remet des images et des couleurs en tête, tant mieux. Mais au moment où il maîtrise, il n'a pas le temps de lire ces 2 pages-là pour se remettre ça en tête. Tout à fait d'accord. Du coup, parce que je surveille toujours le chrono, là, il faut vraiment qu'on conclue. Est-ce que je peux laisser la parole à Fabrice là, pour la synthèse de Fabrice Bastien, d'accord ? Bien sûr. Très bien. Bon, j'ai été coupé, mais enfin, pour reprendre un peu ce que je disais rapidement. Moi, ce que j'essaie de faire sur du bec à sable, c'est d'avoir des univers très ouverts avec une petite trame linéaire qui guide les joueurs. Ils ont la possibilité de piocher à droite à gauche. Et ce qui va être intéressant quand on se disperse vachement, quand on peut faire plein de choses, quand on a une liberté infinie, c'est d'explorer certaines thématiques. Pour moi, le meneur, il est là pour relier un peu. Tu colores ton bec à sable, en fait, quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, par exemple, en gros, ma technique, je vous le dis très rapidement, hein, mais par exemple, c'est structuré en chapitres. Ma compagne a fait 6 chapitres. Mon premier chapitre, c'est l'enfance. Et je vais avoir une série de phrases qui vont aborder l'enfance. Bah, c'est par exemple, quand t'es enfant, tu contrôles rien, ou les adultes mentent, des trucs comme ça. Et à chaque début de séance, je vais prendre quelques-unes de ces phrases, et, enfin, via différentes mécaniques, hein, mais ça va servir mon impro. En fait, c'est bien quand, je me suis aperçu qu'il peut y avoir ce souci sur Alltrey, par exemple, quand les joueurs font du bac à sable et ils accumulent les quêtes, les événements, les intrigues, mais au final, tout se disperse, tout part dans tous les sens. Quand petit à petit, et sur parfois des séances, des dizaines de séances, des vingtaines de séances, tout finit par s'assembler petit à petit et par prendre un sens, c'est quelque chose que les joueurs apprécient vachement et c'est quelque chose qui pousse à aller plus loin. Parce que quand t'as fait qu'un scénar bac à sable où les événements n'ont aucun lien les uns avec les autres, tu t'ennuies très vite. Quoi. Et c'est ce qu'avait l'air de dire Bastien dans la limite de l'univers fictionnel, quoi, pour essayer de relier un peu les divers éléments. Enfin, c'est ce qui m'a semblé comprendre. Ouais, et donc cette couleur, soit tu vas la préparer au départ, donc c'est très réfléchi, ou soit elle va émerger en cours de jeu, quoi. Ouais. Là, la technique, c'est tout simplement quand je vais improviser, je vais avoir des éléments en tête. C'est un peu ce que propose Inferenza, c'est-à-dire poser des contraintes. Tout à Typiquement, fait, ouais. j'ai une phrase, l'enfance est pleine de rêves, et après, en gros, j'ai une table de hasard avec différents mots pour improviser, hein. Je sais que je vais devoir avoir en tête cette enfance qui est pleine de rêves. Ce qui fait que les joueurs peuvent faire n'importe quoi, quoi qu'ils fassent, eh ben, va y avoir une couleur, va y avoir une teinte particulière qui va faire que les éléments ils vont être reliés, quoi. Même si c'est pas au niveau de la narration, au niveau des thématiques, au niveau de ce qu'on cherche à dire, quoi. Comme Ouais. quelqu'un qui écrit un bouquin, qui fait un film, etc., quoi. Ouais, Voilà. Inforenza propose complètement de prendre cette approche et de l'intégrer avec une mécanique qui du coup vraiment amène la couleur, quoi. Par exemple, il y a un théâtre qui s'appelle La Moisissure de l'oubli. Eh bien, le thème de l'oubli, vraiment, il est bombardé, quoi. Tu peux pas passer à côté, quoi. Mécaniquement, c'est impossible de passer à côté parce que tu vas te prendre des conséquences en oubli toutes les 3 minutes, quoi. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Fabrice? Non, non, c'est bon, j'avais terminé, quoi. Alors moi j'avais juste trois petites choses. Je vais les dire sans développer parce qu'on n'a pas le temps. Moi ce que j'avais noté, bon, on l'a un peu dit en filigrane, mais je pense que c'est intéressant de le résumer. Je pense qu'un bon bac à sable, c'est des bonnes factions. Donc, bossez bien vos factions. Grosso modo, une faction, c'est un groupement d'individus ou de monstres ou de ce que vous voulez, hein, de barbapapa, qui ont, on va dire, une motivation commune, même si à l'intérieur d'une faction, ça peut être très nuancé, il peut y avoir des conflits d'intérêts. Et il faut que vos factions, elles aient un arc narratif. C'est-à-dire que, un petit peu comme dans Apocalypse World, les menaces, elles ont des penchants. Ouais, grosso modo, il faut que la faction, elle ait un but, soit un but, soit un destin, ou les deux, quoi. Et que du coup, on va voir ce qui se passe quand les personnages mettent le doigt dans cet arc narratif. Bon, je sais pas, le truc bateau, imaginons une faction millénariste qui veut provoquer la fin du monde. Bon, bah là, ils ont un arc narratif parce qu'ils ont prévu un moment de faire, d'engendrer une catastrophe énorme. Peut-être qu'on n'a pas défini exactement sous quelle modalité au départ, mais on a au moins ça en tête, quoi, qu'ils ont une espèce de destin funeste, de course en avant vers le pire, quoi. Le deuxième point que j'avais noté, c'était bloquez pas forcément vos comment si tu par exemple si c'est important que dans ton bac à sable il y ait, je sais pas, un temple bouddhiste, si tu le mets à un endroit X et que les persos y passent jamais, bah tu pourras jamais mettre ton temple bouddhiste. Donc n'hésitez pas à mettre des lieux flottants. C'est-à-dire que bah ça se trouve le temple bouddhiste finalement il sera juste à l'endroit où les PJ vont, quoi. Donc mettez des lieux et des PNJ flottants. Bon après peut-être qu'on pourrait me répondre que si tout est flottant c'est plus un bac à sable, c'est juste une forme de dirigisme. Je sais pas, je pense que c'est une question ouverte. C'est dans la manière dont c'est fait, l'intention. Sans Ouais. doute, ouais. Et effectivement, quand on fait des bacs à sable, il faut développer, pour finir, c'est ma conclusion, il faut développer des solutions pour improviser plutôt que de tout décrire, quoi. Effectivement, bon, la préparation est importante, je pense, dans un bac à sable, mais on peut pas tout préparer. Il y a quand même une part d'improvisation, et donc bah ça se prépare. Mais bon, c'est ce qu'avait dit Laurie. Et sinon, je voulais citer Brand avait failli participer à ce podcast, et puis bon, bah pour des raisons de planning, ça s'est pas fait. Il avait quand même, il m'avait donné quelques pistes. Notamment, il avait dit que concernant le freeform et la notion de simulation, il nous encourageait à jeter un coup d'œil à ce qu'écrivent Claude Cados et Xavier Retaux sur tout ce qui est réalité virtuelle. Bon, techniquement, un bac à sable en jeu de rôle, je pense que c'est vraiment, pour moi, un jeu de rôle, c'est une réalité virtuelle. Et d'autant plus si on joue en bac à sable. On est vraiment dans l'esprit réalité virtuelle. Et donc grosso modo, bon, je pense que je mettrai des liens sur le podcast, mais grosso modo, ces gars-là, ils définissent des caractéristiques de la simulation qui sont intéressantes, et ça peut être utilisé en jeu de rôle, d'après Brand. Et sinon, il nous conseille aussi la lecture de Jasper Jules, bah, pareil, c'est encore un théoricien du jeu vidéo, et qui parle des jeux à progression et des jeux émergents, plus ou moins l'équivalent de scénario linéaire et scénario bac à sable en jeu de rôle, mais pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser. Il y a un mec qui a fait un reportage photo dans GTA. Je sais plus, c'est 5 ou 6. En fait, il s'est baladé. Les personnages du jeu vidéo GTA peuvent avoir un appareil photo. Et donc, il s'est baladé dans la ville sans but. Hein, il n'était pas en train de faire des missions. Et en fait, le monde de GTA est tellement cohérent, il se passe plein de trucs en fait là où on regarde pas. Et donc, il a photographié les passants et puis des scènes insolites qu'il a vues dans GTA. J'essaierai de retrouver ça aussi pour vous mettre sur le lien. C'est assez frappant. On voit la cohérence et le foisonnement d'un bac à sable en jeu vidéo, allant jusqu'à effectivement à montrer un tas de détails qui paraissent en termes de fiction qui sont pas pertinents quoi. Quelque part c'est une espèce de couple de chinois bizarre qui se promène qui promène leur chien dans la rue. En quoi dans la fiction de GTA ça a un impact, on sait pas, mais toujours est-il que ça participe à la cohérence et au caractère vivant du monde. Et je pense que aussi dans un jeu de rôle bac à sable, il faut que vous ayez des petites mémés qui trimballent leur chien et qui ont rien à voir avec le gros métaplot de la mort que vous aviez prévu. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on conclue ? Oui, moi j'ai quelque chose à ajouter par rapport à la question que tu posais. Est-ce que s'il n'y a que des lieux flottants, on est toujours dans un bac à sable ? Oui, à partir du moment où tu as défini ton espace fictionnel et où tu as de relations fortes entre ces lieux, ces événements et ces PJ flottants. D'accord. Pour moi, le critère, ce serait plutôt est-ce que tu attends une réaction particulière des joueurs ? Est-ce que c'est un engrenage avec une piste prévue ? Ah ben ils vont dans ce lieu, ils vont rencontrer un tel qui va leur dire ça, et du coup ils vont faire ça. Là c'est plus un bac à sable. Ouais. Ah non, je pense pas que je fais ça dans cette optique-là. En fait, oui, non, je sais bien, mais... C'est des éléments que je trouve cool, et puis je les place quand ça me paraît opportun, mais effectivement j'ai pas prévu un enchaînement précis. Quoi. Ouais, dans les terres barbares, j'ai comme ça j'ai 8 éléments flottants que je peux placer à n'importe quel moment si à un moment donné je me retrouve dans une partie et où les joueurs, on est fatigué, ou enfin voilà, la vie ou le bac à sable à un moment donné est grippé. Mais donc j'ai ce genre de choses, oui. C'est super utile, hein, je veux dire, c'est des trucs qui permettent de relancer une partie qui s'enlise et la fois d'après, ben, les gens ont réfléchi, ils ont fixé leurs priorités et c'est reparti. Hein. Ok. Bon, je crois qu'on a bien joué à faire des pâtés dans le sable. Hein, un podcast encore plus charnu que les précédents. Hein, donc, il y a à boire et à manger. J'espère que vous y trouverez votre compte. Et puis, si on a oublié quelque chose, n'oubliez pas de... Précisez-nous dans les commentaires. Voilà, je tenais à vous remercier beaucoup hein, pour toute. C'était très instructif en tout cas. Voilà, donc merci à tous, Fabrice, Bastien, Laurie et Philippe, et puis à une prochaine. Oui. Sur les podcasts. C'était un plaisir de casser la structure normale de tes podcasts et t'en faire un bac à sable. Ouais, exactement. Alors, je coupe le direct et on peut débriefer en comment toujours sur le même podcast hors direct si vous voulez.